mon pion, je découvre mon roi. Si je ramène mon cheval, je perds ma dernière tour. Tu as encore gagné. Ah oui, ma chérie, ça, indiscutablement, tu es cuite. Mat en trois coups, dis donc. Ben, c'est pas beau, ça. Avili, vraiment déshonoré, là. Pourtant, j'avais réussi à te faucher ta dame au huitième coup. Tu m'as rien fauché du tout. C'est moi qui te l'ai offerte et tu as eu tort de la prendre. Le sacrifice de la dame est un des plus vieux pièges des échecs, ma chérie. Allons, voyons. Veux-tu ta revanche? Merci, je n'ai pas le goût du martyr. Comme tu veux. Quelle heure est-il? À peine minuit. L'heure idéale pour boire un verre. Tiens, scotch, gin tonic, autre chose. Un petit scotch. Un petit scotch. Je te sers ça. Oui? Pourquoi joues-tu si bien aux échecs? C'est agaçant, tu n'as aucune des qualités requises. En toute logique, tu es le type même du monsieur qui ne sait pas jouer aux échecs. Mais je ne sais pas jouer aux échecs. Je suis imbattable aux échecs, ce qui est tout à fait différent. Puis ce soir, tu n'as pas fait ton jeu habituel. Je me sens un peu fatiguée. Oui, ça t'apprendra de taper 100 km aller-retour en voiture dans la même journée pour te faire malaxer par les charlatans. Ce ne sont pas des charlatans, c'est le meilleur institut de beauté de Londres. Et puis j'avais pris rendez-vous. Heureusement d'ailleurs, il y avait un monde fou. Oui, surtout des pompiers, je suppose. Des pompiers, pourquoi? À cause de l'incendie. L'incendie? Bah, je pensais que tu l'avais remarqué. D'après la radio, il a fallu évacuer l'immeuble. Tiens, bois, ça va te remonter. Oh, je suis navrée, Hugues. Ben oui. J'aurais dû t'avouer tout ça depuis déjà pas mal de temps. Ben oui, mais je travaille à la BBC. Il est tout à fait normal que ce soit la radio qui m'ait appris mon infortune. Et il s'appelle comment, le lauréat? John Brownlow. Brownlow? Je le connais. Tu l'as vu pour la première fois en même temps que moi, ce dîner à l'ambassade du Chili au mois de mars. C'est pas le soir où je me suis engueulé avec ce type au sujet du nombre de marches de l'escalier de la Tour Eiffel? Si. Tu étais tombé dans le whisky avant de passer à table, il n'avait pas le temps de sécher. Le pauvre. Tu as failli le gifler. Oh bah écoute, il m'agaçait ce type. Il n'était même jamais monté en haut de la Tour Eiffel. Moi si. Par l'ascenseur? Eh ben et alors, ça change le nombre des marches? Oh Lise, ah non. Oh ne me dis pas que c'est lui. Oh, celui-là était chilien. John est anglais. Ah, Dieu soit loué, il est anglais. Ah bon, il est anglais. Alors attends un peu que je me remémore cette soirée. Tu devais avoir, ce jour-là, autant que je me souvienne, tu devais avoir un Uruguayen à ta gauche et un Paraguayen à ta droite. Mais où diable était-il cet Anglais? Je ne le situe plus. Juste en face de moi, derrière le chandelier. Je ne voyais que ses yeux. Oh. Et que fait-il dans la vie quand il a fini de lorgner les femmes des autres par-dessus les chandeliers? Il est agent de change. Ils invitent n'importe qui, ces Chiliens, vraiment. Oh, je vois. Oh, c'est pas ce type qui portait une sorte de jabot de dentelle très élégant? C'était lui. Ah bon? Ah, oh! Oh, ben, il m'avait beaucoup plu à moi aussi, tu vois. Il m'avait dit que mes émissions à la BBC étaient les seules qui le faisaient rire. Tu te rends compte? Mais c'est vrai, il te trouve très drôle. Oh! Tout le monde te trouve très drôle. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Je suppose qu'il t'a téléphoné dès le lendemain. À midi, pendant 40 minutes. À midi? À l'heure de l'ouverture de la bourse, eh ben dis donc, t'avais dû le mettre dans un drôle d'état. Il voulait que nous déjeunions ensemble. J'ai refusé. J'ai refusé pendant 18 jours. C'est beau, c'est très beau. Quand on pense qu'à Hastings, l'armée anglaise n'a tenu que 12 heures devant Guillaume le Conquérant, c'est très très beau. Bref, tu as fini par déjeuner. Et quand es-tu écroulé pour la première fois? Environ 3 semaines plus tard, je ne sais plus très bien, le soir où j'ai accepté d'aller dîner chez lui. C'était un mardi. Un mardi, oui. Ah bon, c'est bien le mardi pour faire ça, c'est bien. Et je dînais où, moi, ce soir-là? Au Savoy, avec ton éditeur. Mon éditeur, attends un peu, j'ai dîné avec lui qu'une seule fois depuis l'hiver dernier. Un soir où tu m'avais dit que tu allais à l'opéra avec ta maman. C'était ce soir-là, Hugues. Ah, ta maman est dans le coup. Oh, comment peux-tu dire une chose pareille? Non. Elle t'adore. Non, pas maman. Non, pas maman. Mais à coup de pas, maman. Elle est allée à l'opéra sans moi, voilà tout. Je lui ai dit que j'avais la migraine. Et c'était vrai, tu sais, je l'avais. Ne crois surtout pas que j'étais heureuse. Oh, bah, je sais bien, c'est pas des moments rigolos. Ça a dû s'arranger au bout du compte, quand même. Comment tu dis Gromelot? Brown! Ah, Brown, j'avais compris Grom. Ah, Brown, faut bien que je m'imprime ça dans le crâne. Parfait. Où vas-tu? Me servir un autre verre. Tu en veux un? Non, merci. Dis-moi, Hugues. Oui? Quand as-tu commencé à avoir des doutes à mon sujet? La première fois que je t'ai rencontré, ma chérie, tu vois. Je me souviens très bien, c'était cette joyeuse vente de charité en plein air. Tu étais derrière ton comptoir. Je t'ai regardé, comme ça j'ai pensé que tu étais trop belle pour moi tout seul, mais que ça valait la peine d'essayer. Alors je t'ai acheté deux jambons d'York, et puis voilà. Et après, plus jamais de soupçons, d'inquiétude. Plus rien pendant 15 ans. Jusqu'à la semaine dernière, où Mademoiselle Forsat, ma secrétaire, m'a confié qu'elle t'avait aperçu la veille dans une agence de voyage, escortée par une sorte d'Apollon aux yeux de braise. Alors, comme tu m'avais dit que ce jour-là, tu allais au cinéma avec ton amie Margaret, je me suis brusquement trouvé nez à nez avec un énorme point d'interrogation. Et les yeux de braise du monsieur en question n'ont rien arrangé. Je t'ai imaginé en train de grésiller lentement, comme une sorte de méchoui. Et pendant 15 années de mariage, l'idée ne t'était jamais venue que ça pouvait m'arriver. Au début du printemps, tout de même, si je crois que c'est le jour où je disputais la finale de la Coupe du Club contre Billy Kern, je t'ai vu arriver et je me suis demandé un instant pourquoi diable tu avais l'air tellement heureuse. C'était une bonne question à piocher, ça. Eh oui, mais nous étions à 4 jeux partout dans le dernier set, alors je me suis dit qu'il fallait d'abord que je liquide Billy Kern et que je verrai après. Mmh. Et après, tu n'as plus rien vu. Pas même le jour où tu m'as trouvé en larmes sur le banc au fond du jardin. J'ai pensé que tu pleurais de joie ou d'émotion. Écoute, l'année dernière, à Eau de la Poule, tu as sangloté devant une aurore boréale, alors... Elles sont assez rares dans la banlieue de Londres. Oui, mais tu aurais pu voir autre chose. Au fait, qu'est-ce que tu avais vu ce jour-là? J'avais vu John Brunlow. Et j'avais accepté d'aller dîner chez lui le lendemain soir. C'était de honte que je pleurais. Eh ben, je sais bien, oui. Ça doit être très humiliant pour une femme d'être mariée à un cocu. Oh, ça, je sais bien, ça. Garde tes bons mots pour les micros de la BBC. Je ne t'avais pas encore trompé, Hugues. Et si tu avais eu le moindre geste vers moi ce jour-là, je ne t'aurais jamais trompé. Je ne demandais que ça. Et moi aussi. Eh bien, il fallait t'en préoccuper davantage. Deviner, savoir. Jamais femme décidée à se défendre n'a eu autant besoin d'un homme que j'ai eu besoin de toi. Si tu savais à quoi j'ai dû résister devant John pendant 3 semaines, j'avais la sensation d'être penchée au-dessus d'un gouffre avec en même temps la terreur et l'envie de tomber dedans. Oh, tais-toi, quelle horreur. Oh, tu me donnes le vertige. Et toi, pendant ce temps, tu continues à être le type le plus drôle de toute la BBC. Ah bah oui, je ne pouvais pas deviner que cet agent de change te donnait à toi aussi le vertige. Pardonne-moi, tu en avais vu d'autres. Oui, oui, mais je n'avais pas encore vu celui-là. Et tu aurais dû t'en vérifier, toi aussi, dès le premier jour. John Brunlow est un des hommes les plus attirants de Londres. Il a déjà été marié 3 fois, et 3 fois à des femmes ravissantes. Omar Brunlow, le chèque aux yeux de braise. Dis donc, c'était pas intéressant. Tant mieux si ça te fait rire. Oh, je crois que je me force un peu, tu vois. Oui. Je me demande finalement si Mademoiselle Forsat a été bien inspirée d'entrer dans cette agence. En fait, qu'est-ce qu'elle y faisait au juste? Elle a décidé de passer ses vacances à Florence. C'est une mordue de la Renaissance italienne. Vous la rencontrerez probablement. Elle compte pousser jusqu'à Rome. Pourquoi vous la rencontrerez? Ben, vous étiez bien en train de retenir des places pour Rome. Pas moi, John. Il a une affaire à traiter là-bas. Il part seul. Seul dans 2 couchettes. Oh, je ne le voyais pas si gros, tu vois. Bon, tu as gagné. Nous partons ensemble dimanche matin. Mais dis donc, nous sommes vendredi. Quand comptais-tu me prévenir? Lundi. Ah oui, ah bah oui, ah bah d'accord, oui, ah bah oui. Tu m'aurais prévenu le lendemain que tu avais filé là-bas, oui, c'est intéressant. Enfin, je te l'aurais dit, John doit s'arrêter quelques heures à Milan, je t'aurais téléphoné de là-bas. Quel prétexte m'aurais-tu donné pour partir d'ici dimanche matin avec tes bagages? Je serais parti sans bagages, et je t'aurais dit que j'allais passer 2 jours chez maman. Elle doit commencer à être bien amortie, ta maman, dis donc. Encore une fois, elle n'est pas non, bien, non, non, non, non, non, non, non, non, pas maman, non, non, pas maman, non, non, pas maman. Elle m'adore, je sais bien, ta mère m'adore, ta maman m'adore. J'épouse la fille, c'est la mère qui m'adore. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu veux le divorce, naturellement. Tu vois une autre solution? J'aimerais bien en voir une. Écoute, ma petite Lise, je serais navré que tu prennes ça pour de la méchanceté, mais tu n'es plus ce qu'on appelle une toute jeune femme. C'est vrai. On vieillit vite sur les îles désertes. Eh oui, eh oui. Je suis moi-même un vieux cheval en train de boucler son 50e tour de piste. Je sens que l'arrivée n'est plus tellement loin, tu sais. Ça fout le camp de partout, je sens. Je sens que je me détériore. Oh non, n'essaie pas de me faire le coup de la pitié pour les poux vieillissants, ça ne prend pas. Je cherche autre chose. Bon, eh ben, je vais trouver autre chose. Non, alors soyons sérieux. Lise, nous avons 2 enfants. Ah, voilà les enfants. Ah. Voilà les enfants, je les attendais. Bah oui, 2 enfants qui sont encore jeunes. 2 enfants qui nous aiment et que nous aimons. Alors, as-tu pensé que tu vas les rendre orphelins? Orphelins, comment ça? Bah, as-tu pensé que tu vas les abandonner? Pas du tout, c'est toi que j'abandonne, pas eux. Ils vivront avec John et moi. Ah bon? Et moi, je vais vivre avec qui, alors? Oh, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Mon absence n'aura pas plus d'influence sur ta vie que ma présence n'a pu en avoir. C'est-à-dire aucune. Je ne t'ai jamais servi à rien. Pourquoi dis-tu ça? Oui, je sais, mais ce genre de service à un tas de jolies filles ne demanderont pas mieux que de te le rendre. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup jusqu'ici qui te l'ont refusé. Mais 27, ma chérie, quand même. Eh oui, il en restera toujours assez pour meubler ta solitude. Mais bien sûr, pendant que tu meubleras celle de Brunelow. John a besoin de toi. Oh oui, alors, il a besoin de toi, il a besoin de toi. C'est à la portée du premier venu d'avoir besoin de toi, tu sais. C'est pas un exploit. Il n'y a qu'à te regarder, à fermer les yeux, ça marche à tous les coups. Oh, tu confonds le besoin et l'envie, ça n'a aucun rapport. En es-tu sûr? Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce type? 11 ans de moins. Y aurait-il là une allusion déplaisante à mon état général? Oh, tu sais très bien que non. Ah. Dieu sait que ton état général n'inspire aucune inquiétude. Même quand tu jures que tu as passé toute la nuit à jouer au poker avec ton ami Sam Dering, alors qu'il est parti l'avant-veille pour les îles Canaries. Je croyais que nous ne devions plus jamais parler de cette histoire idiote. Sois tranquille, c'est la dernière fois. D'ailleurs, tu sais, ma chérie, Brunelow a sûrement un vieux copain, lui aussi. Hein. Ne te fais pas d'illusions, nous en avons tous un. Tu sais, et étant donné votre différence d'âge, tu ne vas même pas tarder à t'en apercevoir. Je n'ai que 3 mois de plus que lui. Oui, mais je sais bien, aujourd'hui, ça n'a l'air de rien. Mais attends 50 ans, attends simplement 50 ans. Qui cavalera pour savoir le sexe des anges? Brunelow. Et voilà, j'avais toujours espéré que nous pourrions avoir au moins une fois dans notre vie une conversation sérieuse. Eh bien non, rien à faire. Quoi? Pas même le jour où je te quitte. Tu es un pitre. Mais je ne plaisante pas, je plaisante pas du tout. J'en ai peut-être l'air parce que je descends d'une vieille famille écossaise qui a toujours réussi à vendre du désherbant pour du whisky millésimé, mais ça ne veut rien dire. Et j'aimerais quand même que tu me dises, toi, ce que ce Brunelow a que je n'ai pas. Tout. Il est amoureux, lui. Il est attentif, il est prévenant, il est loyal, il est fidèle, il est ému. Il est ému? Oui, parfaitement ému. Ému quand j'arrive, ému quand je pars, ému quand il me regarde, ému quand il me parle, ému quand il me touche. Ah, il est tout le temps ému, c'est un type ému, bah oui. Allez. Toute une vie en face d'un type qui se met à bredouiller chaque fois qu'on ouvre une porte, faut vraiment aimer ça. Enfin. Et à part ça, puis-je savoir dans quelles conditions de confort il compte faire vivre mes deux enfants? J'espère qu'ils auront quand même un bout de jardin pour s'ébrouer, ces chers petits. Ils auront 250 hectares de bois et de prairies dans le Kent avec un château de 30 pièces au bout. C'est une colonie de vacances. C'est le berceau de sa famille. Sa mère y vit encore. Pauvre vieille dame perdue dans cette immensité, avec de la luserne jusqu'aux genoux, quelle horreur. Bref, Dick et Sheila devront faire en moyenne 2 ou 3 heures de marche par jour pour trouver des petits camarades. Tu as pensé à ça? Ils ne seront pas seuls, les 3 enfants de Johnny Vivi. Ils sont sensiblement du même âge que les nôtres. Et je peux t'assurer que ce sont vraiment de très beaux enfants. Ah, mais le Kent a toujours été une région renommée pour ses élevages, c'est bien connu. Naturellement, tout ça est hypothéqué jusqu'aux oreilles. Quoi, tout ça? Bah, la baraque et le bout de terrain. Je suppose que Brunelow doit payer d'énormes pensions alimentaires à ses anciennes épouses. Tu t'es renseigné? Il ne paie aucune pension alimentaire. Ses 3 femmes sont remariées. Il les recasse. C'est un génie, ce type. Tu sais, faut lui dresser une statue, vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire contre un type semblable? Plus rien maintenant, Hugh. Oh. Mais tu aurais pu faire quelque chose avant si justement tu avais été un autre genre de type. Dès que j'ai compris qu'avec John, je ne serais pas le plus fort, je t'ai supplié de lâcher tes micros et tes petites amies et de m'emmener n'importe où. Tu as pris ça pour un caprice et tu as refusé. Mais j'ai refusé, alors ça aurait servi à quoi? De toute façon, c'est Brunelow que tu aurais vu assis devant toi en train de faire tourner son verre de cognac entre ses mains. C'est Brunelow que tu aurais entendu se brosser les dents dans la salle de bain. C'est Brunelow que tu aurais aperçu de dos sur le balcon drapé dans sa robe de chambre. Seulement, malheureusement, c'est moi que tu aurais vu siffler le cognac, sortir de la salle de bain, se retourner vers toi sur le balcon. Et chaque fois, ça t'aurait flanqué un coup terrible. Mais non, crois-moi, Lise, il vaut mieux s'incliner devant les lois de Dame Nature, notre mère à tous. Regarde les cerfs, voilà un bon exemple. Les cerfs. Il n'est pas un vieux dicor qui ne lève un jour le nez au-dessus des fougères. Et que voit-il? Un autre cerf, à l'horizon, plus jeune, sa propre image d'il y a 10 ans. Et il sait que le moment est venu. Au moins, il va se battre, lui. Mais ça lui sert à quoi? De toute façon, il est cuit. Alors s'il n'était pas idiot, il bouclerait ses petites valises de cerf et il irait s'asseoir sous un arbre en haussant ses petites épaules de cerf. Tu nous vois, franchement, tu nous vois, Brunelow et moi, nos cornes emmêlées, en train de lutter dans Piccadilly, avec toi grimpé sur la fontaine, le museau humide d'émotion, attendant l'issue du combat. Tu vois ça? Alors tu acceptes ta défaite? Ça ne te ressemble pas. Non, mais je commence à croire que je me suis ressemblé trop longtemps, tu vois. Oui, j'accepte ma défaite, c'est bizarre, c'est comme ça. Beaucoup mieux, je vais au-devant de mon sort, comme Charles Ier. Qui a posé lui-même sa tête sur le billot, avant qu'on la lui coupe. Oui, ah ben, il se l'est pas dévissé pour se le poser sur le billot, ça, c'est ça. Tu es sûr que tu n'es pas un peu saoul? Toujours un peu, jamais trop. C'est la devise des Preston. Mais, à propos, Lise, Qui va expliquer tout ça à nos chers bambins? Ah, oh, je le leur dirai moi-même, si tu veux. Mais ils sont encore bien jeunes, alors j'avais pensé que si tu voulais t'en charger, ce serait moins... Enfin, ce serait plus... Ce serait plus rigolo, ça serait peut-être plus rigolo. Oui, effectivement, ça serait peut-être plus rigolo. Ah, ma pauvre chérie, même dans le bonheur, il y a des moments difficiles à passer. Hein. Quel dommage qu'on ne puisse pas se faire opérer de la conscience comme on se fait opérer de l'appendicite. Eh ben, sois tranquille, je vais leur expliquer ça. Le temps de trouver un faux nez et une perruque qui tourne avec un petit jet d'eau au milieu, ça sera quand même plus drôle avec les accessoires. Puis je vais les attaquer, je vais dire, alors les petits enfants, alors elle est partie maman, ça c'est pas gentil alors. Elle est partie avec Bruno il va avoir des grands coups de pied dans le derrière. Puis un grand coup de marteau sur sa tête. Bruno, bah écoute, c'est une solution comme une autre. Non franchement Lise, tu es sûre de ne pas te tromper avec ce type? Est-ce que tu te rends compte que c'est purement physique? C'est le démon de midi qui te chatouille, ma chérie. À mon âge, tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour le démon de midi? Ah, il passe pas toujours à l'heure, tu sais. Surtout en banlieue. Jeanne et moi, nous nous aimons. Peu importe que ce soit purement physique, comme tu dis. Il nous suffit que ce soit ce que c'est. Je suis heureuse. Ce qui signifie que pendant 15 ans, tu n'as jamais été avec moi. Si, je l'ai été. Comme un légume. Ah, c'est intéressant. On peut dire aussi que les légumes sont heureux. Ils sont là, au soleil, bien tranquilles. Mais ça, c'est simplement exister, tu comprends? Moi, je veux vivre. Je veux me sentir la femme d'un homme, pas son meilleur copain. Eh bien, écoute, je crois que j'ai dit tout ce qu'un homme peut dire dans une cérémonie de ce genre. Et alors, tu n'as pas peur que ce Brunelot, qui s'est quand même fatigué de trois femmes ravissantes, ne se fatigue aussi de la quatrième? Tu ne crains pas ça? Je suis très touchée de tout le mal que tu te donnes pour me dégoûter de John. Mais je t'assure que tu perds ton temps. Veux-tu un scotch? Volontiers. Très bien. Ah, avoue que c'est beau la civilisation quand même. Regarde donc, il y a encore seulement 30 000 ans, j'aurais empoigné ma meilleure hache de silex et j'aurais cavalé jusqu'à la caverne de Brunelot pour la lui planter dans le crâne. Alors que nous voici aujourd'hui, toi la femelle et moi le mâle, en train d'examiner paisiblement la situation, comme ça, en buvant un verre. C'est merveilleux. Le pacifisme par l'alcool, voilà la vérité. En somme, tu veux bien te battre pour l'escalier de la tour Eiffel, mais pas pour ta femme. Laquelle? Celle qui pleurait de joie le jour de son mariage ou celle qui s'apprêtait à filer en douce avec Brunelot? Dis-moi un peu combien il y a de femmes dans une femme, j'aimerais savoir. Trois, disait mon oncle Melvin. Une fiancée qui pleure, une épouse qui soupire et une veuve qui espère. Ah ben voilà, et ben mes enfants, voilà, ben voilà. Voilà le genre de truc qu'on devrait apprendre dans les écoles. J'ai pas appris ça et maintenant je sens bien que ça me manque. Ce sont des lacunes, c'est normal. Vous allez vivre à Londres, naturellement. Oui, bah oui, je suppose que Brunelot possède un appartement somptueux dans un quartier adéquat. Neuf pièces en enfilade sur Holland Park. Neuf pièces, oh, bah, c'est bien, on peut commencer à se retourner dans neuf pièces déjà. De toute façon, Holland Park, c'est un quartier où je ne mets jamais les pieds. Au moins, je ne risquerai pas de vous rencontrer à tous les coins de rue, c'est toujours un avantage. À t'entendre, on croirait que nous allons devenir des ennemis. Ah non! Je veux au contraire que nous restions amis et John y tient tant que moi. Ah bon, il ne m'en veut pas alors. Bon. Non, je veux dire. Je veux dire, c'est pas le genre de type à être torturé par ton passé, ça pas existe. Pas du tout, au contraire, il sera très heureux de te connaître. Ah bon. Crois-moi, Hugues, il faut que nous restions amis, de très bons amis. Oui, oui. D'abord, comment ferais-tu pour voir les enfants si nous évitions de nous rencontrer? Mais tu as tout à fait raison, enfin, ça, je sais pas, faudrait que tu les déposes le matin à la consigne d'une gare, que je les y reporte le soir, là-dessus, il y en a certainement un de nous qui perdra le ticket. Non, ça serait pas bien. Tandis que si nous restions copains, j'aurais qu'à aller déjeuner deux ou trois fois par semaine à Holland Park. Tu es sûr que Brunelot acceptera? Oui, bien sûr, puis tu viendras aussi passer quelques jours avec nous dans le Kent, pendant les vacances. Oui, je vous aiderai à rentrer les foins. Eh ben, écoute donc, puisque tout le monde est d'accord, on pourrait peut-être s'y mettre tout de suite. Où est-il, ce brave homme? Qui ça, John? Oui. À Londres, naturellement, pourquoi? Il est seul. Ah, tu cherches encore à être drôle. Oui, il est seul. Oh, ne te fâche pas. Oh là là, je pensais qu'il en avait peut-être profité pour faire descendre sa vieille mère de son tas de luzerne et l'inviter à Londres, c'est... Madame Brunelot passe tous ses étés dans leur propriété de Montreux. Il s'étend jusqu'au lac Léman, bah dis donc, quelle famille. En tout cas, il est seul. Là, il est seul à Londres, un vendredi soir, dans neuf pièces en enfilade. Quelle horreur, on dirait du Samuel Beckett, mon Dieu. Téléphone-lui donc venir, à ce brave homme. Ici? Et alors, Il passera le samedi avec nous. Il dormira dans une des chambres d'amis. Puis au lieu de partir toute seule dimanche matin, tu partiras avec lui, c'est tellement plus simple. Quoi? Moi, ta femme, faire venir mon amant sous le toit conjugal pour partir avec lui dimanche matin bras dessous pendant que tu agiteras ton mouchoir en haut du perron? Mais tu es dénué de tout sens moral, mon pauvre Hugues. Et toi, de tout sens pratique, ma pauvre Alice, pardonne-moi. Un divorce, c'est pas une surprise partie, ça s'organise. Et puis dis donc, c'est toi qui as insisté pour que je rencontre Brunelow. Après quoi? Après le... Eh ben, après le... Ah, bah, oh, je ne sais plus ce que je dis, moi. Ben, oui, ben, oui, ça, c'est la fatigue. Tu devrais prendre un peu de méthanol. Oh, fiche-moi la paix. Hein? Et d'abord, pourquoi? Pourquoi quoi? Qu'est-ce qui te fait tellement souhaiter que je fasse venir John ici? Qu'est-ce que tu es en train de mijoter dans ta sale caboche, Preston? Oh, vraiment rien, ma pauvre chérie, tu sais, tu me vois... Eh bien, tant mieux. Comme ça, au moins, tu ne seras pas déçue. Il n'y a que moi qui pourrais décider de John à venir ici, et je ne le ferai pas. Très bien. Ah. Oh, que j'ai assez bu, je vais me coucher. Eh bien, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. En tout cas, ne te fais pas de soucis pour le divorce. J'ai décidé de prendre la totalité des torts à ma charge. Je ne savais pas que la BBC était une pépinière de nobles chevaliers. Mais je n'ai pas le droit de refuser à cause des enfants. Pas pour les gosses, tu ne peux pas, non? Merci. Mais dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas aller à Brighton et te faire pincer avec une grosse blonde? Bon, penses-tu, à cette époque de l'année, d'abord, il n'y a plus une seule grosse blonde de libre à Brighton. Puis ce serait vraiment trop bête d'aller dépenser de l'argent à l'extérieur, alors que je peux très bien faire ça ici gratuitement et dans des conditions de confort incomparables. Ici, à la maison? Eh ben, et alors? Et alors? Entretien de rapport physique avec une concubine sous le toit conjugal? Ça ne pardonne pas, ma chérie. Oh, tu ne parles pas sérieusement. Mais très sérieusement. Ce serait un scandale affreux. Que dirait Madame Gray? Oui, eh ben, pour une fois, cette vieille bique aura quelque chose à dire, justement. Oui, monsieur le juge, je l'ai vu comme je vous vois, en portant le petit déjeuner à cette dame le dimanche matin. Monsieur était dans son lit en pyjama, il la tenait par le cou. Et quand le juge aura vu Patipat, il comprendra tout de suite de quoi il retourne. Qui est Patipat? Mademoiselle Forsatte, ma secrétaire. Elle s'appelle Patricia, alors à la BBC, on l'appelle Patipat, je sais pas pourquoi. C'est un secrétaire que tu as l'intention de tenir par le cou chez moi, dans son lit en pyjama? Mais oui, mais ma chérie, je ne trouverai pas mieux. Oh. Puis qu'est-ce que ça peut te faire? Dis donc, tu oublies que dans 48 heures, tu seras dans un wagon-lit avec Brunelow. Alors, hé, oh, hé, en mineur, les basses, tu veux? Mais pourquoi ne veux-tu pas aller à Brighton? Tout le monde y va. Oui, bah, pas moi. Voilà. Je refuse de donner à ma femme comme rivale officielle une professionnelle avachie, avec une poitrine en train de déposer son bilan. Songe que vous devrez comparaître toutes les deux devant le juge. Que penserait-il de moi, cet homme? Tu es ravissante, je peux lui amener... Et la poitrine de Mademoiselle Forsyth est au-dessus de tout soupçon. Oh, très nettement au-dessus, ça. Tu le sais? Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire que ça se voit. Elle avance, pof, on voit bien, il y a un phénomène qui se produit. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle acceptera? Elle acceptera parce qu'elle sait que je suis bien placé pour lui faire grimper un étage de plus. Un étage de plus, où ça? À la BBC. Elle a décidé d'escalader l'immeuble. Regarde donc, il y a encore un an, elle était au sous-sol en train de planter des fiches dans le tableau du téléphone. La voilà déjà au quatrième, avec le titre de secrétaire privé. Je peux très bien la propulser au cinquième, au service des informations. De là, elle s'attaquera plus facilement au sixième. Puis avec un petit rétablissement au septième, jusqu'au jour où elle débouchera enfin triomphalement dans les bureaux de terrasse de la direction générale. Où il ne lui restera plus qu'à faire flotter sa petite culotte en haut de l'antenne. C'est répugnant. Ceci dit, ta vie privée ne me regarde plus et tu peux en faire ce que tu veux. Très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Lise. Non, je te retiens pas longtemps. Non, je te laisse aller, c'est simplement pour libérer ma conscience. Oui, je voulais te dire, au sujet de ton institut de beauté... Quoi, mon institut de beauté? Il n'y a jamais eu d'incendie. Tu as fait ça? Eh ben oui. Tu as osé me faire ça? Pas d'incendie. C'était pour savoir. Ah, je sais bien, ça énerve, ça. J'ai marché, que Dieu me pardonne, j'ai même eu pitié de toi. Oh. Je t'ai imaginé écoutant la radio, le cœur battant, mais... Oh, fallait pas. Mais tu es un monstre. Oh, tu me flattes, chérie. Tu vas me payer ça, Preston, tu vas me le payer. Allô, la poste? Hollande 2107 pour le 309 à Stonewall. Ah, et grouillez-vous. C'est la crise. Oui, justement, cette fois-ci, il y a le feu. Ah, tu voulais absolument que je fasse venir John ici. Oh. Eh bien, sois heureux, il va venir. Tout à l'heure, j'avais refusé uniquement par respect pour toi. Mais pour respecter Preston, il faut être complètement idiote. Je t'en prie. Non, pas vous, mademoiselle. Eh bien, insistez. Tu peux écouter, tu sais, si tu veux, ça ne te dérange pas. Ah bon? Oui, oui. Oh, bah écoute, tant mieux, je vais prendre ça. Ça va me faire passer un moment, tiens. J'ai toujours rêvé d'entendre un agent de change réveillé en sursaut à 1h du matin. Ouais. Déjà, tout gauche, je disais à un moment, au moment, si je pouvais avoir un agent de change à 1h du matin. Il me disait, tu en auras un pour ton Noël, si tu veux faire ça. Je ne sais pas au juste ce que tu espères, mais je te jure que c'est raté. Tu crois peut-être que tu vas éblouir John. Mmh. Ou l'intimider, ou lui donner des complexes. Erreur, mon petit, grosse erreur. Quand tu auras vu John, Bruno, tu sauras enfin ce que c'est qu'un homme et tu te sentiras ridicule. Non mais c'est pas à moi que tu téléphones, c'est à lui. Moi je suis là, je suis en direct. Allô John? Et c'est Lise. Oh, pardon de vous réveiller mon chéri, mais c'est terriblement important. Oh. Quoi maman? Quoi maman? Ah, je vous entends mal. Qu'est-ce qu'il dit? Il te demande si tu téléphones de chez ta maman, secoue l'appareil. Oh. Quoi, allô? Allô? Allô, je vous entends mieux maintenant. Ah. Non, non, non, non, je ne suis pas chez maman, je suis à Stonewall. Avec lui, bien sûr. Ben oui, mais ça n'a plus aucune importance, non. Je lui ai tout avoué. Oui. Oui, oui, c'est mieux comme cela. Nous partirons la tête haute, vers le bonheur. Non, non, non. Pas de bonheur vers le bonheur. Non, pas de bonheur vers le bonheur. Il a une déficience. Vers le bonheur! Oh, maintenant c'est lui qui n'entend plus! Ben oui, ne t'énerve pas! Ben oui, ben il marche. Ben je sais plus. Non, il marche, il lui arrive de marcher seulement. Il y a un faux contact et puis. Ben oui. Brunelo! 1, 2, 3, 4, 5, Brunelo! 1, 2, 3, 4, 5, Brunelo! Eh oui, mais c'est. Faut resserrer, mais faut pas trop resserrer, voilà. Brunelo, ah, je vous recapte. Non, je vais vous dire, c'est simplement, il y avait un mauvais contact parce que parfois le haut-parleur se dévisse, alors j'ai revissé. Voilà, vous ne quittez pas, je vous repasse ma femme, merci beaucoup. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui. Oh. Bah, donne-moi, allô. Oui, allô, oui, Hugues aimerait beaucoup vous rencontrer. J'entends plus rien, alors. Pour régler certaines questions au sujet de notre divorce. Ah bon? Bien. Ne quittez pas. Oui, il te propose d'aller déjeuner avec lui demain à Londres. Oh bah c'est ça. Oh bah puis quoi encore? Non, donne-moi ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ce genre? Brunelo? Preston le mari. Dites donc ma vieille. Vous me prenez déjà ma femme, vous n'allez pas m'obliger par-dessus le marché à faire 100 km aller-retour pour entendre les détails de l'opération. Bah je veux bien être gentil mais faut pas abuser quand même hein. Hein, faut être gentil. Alors quoi? Alors, bah c'est vous qui allez venir ici tout simplement. Bah, comme ça vous partirez directement avec Lise dimanche matin. C'est tellement plus simple. Oh, bah je vois pas ce que ça a de gênant. Oh, oh, Brunelo. Oh, Brunelo, allez. Il est terrible. Mais si, elle est d'accord. Oh, mon vieux, alors... Mais oui, mon chéri, je suis d'accord. À demain. Mais alors, ben voyons, ben c'était... Mais oui, allez. Alors, dans ces conditions, passez donc me prendre à mon club. Ça s'appelle le club des Sycomores. C'est juste à la sortie du village. Je vous y attendrai vers 10h, 10h30. Hein? Eh ben, très bien. Et dites donc, Brunelo, vous jouez un peu au tennis? Ben, apportez votre raquette, nous ferons une petite partie pour nous dégourdir les jambes en buvant un verre. Eh ben, c'est ça. Eh ben, voilà. Ah ben, écoutez, je suis ravi. C'est vrai, je me demandais ce que j'allais faire de mon samedi. Ben, écoutez, là, vraiment, ça pouvait pas mieux tomber. Voilà. Oui. C'est ça. Voilà. Eh ben, je vous embrasse. À demain. Au revoir. Eh ben, tu vois, je crois que nous venons de faire un grand pas vers la lumière. Tu n'as pas cette impression? Pourquoi as-tu proposé à John cette partie de tennis? Pour le battre à plate couture et le ridiculiser devant tous les membres du club? Et tu crois que ça changerait quelque chose? Oh, c'est pas tellement pour le battre, non, mais je pensais qu'avec un peu de chance, je réussirais peut-être à lui envoyer une balle dans l'œil. Alors je t'imaginais place Saint-Marc en train de lui mettre des compresses. Cette perspective ne me déplaisait pas. Mais si c'est pas possible, c'est ouais, pas possible. Tu trouveras autre chose, je te fais confiance. Tu connais tous les trucs, Hugues. Mais cette fois-ci, ça ne t'empêchera pas de perdre. Et bonne nuit. Bonne nuit. Ah, au fait, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que j'installe Mademoiselle Forsythe. Forsythe, oui. au deuxième étage. Pas du tout. Il est vrai qu'elle n'est pas un étage près. Mais voyons. Ah, la vie n'est pas simple. La poste. Bonsoir, ravissant enfant. Dieu sait que j'aimerais vous demander autre chose, mais pour le moment, je n'ai besoin que de Cunningham 3113. Pouvez-vous me donner ça? Oh, bah écoutez, vous êtes un petit ange. La dame qui a demandé Hollande tout à l'heure, c'est ici, oui, oui. Oui, oui, c'est ma femme. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, elle est allée se coucher, là. Oui, comme vous dites, ça ne peut pas lui faire de mal. Vous n'avez pas... Oh, insistez, il y a sûrement quelqu'un. Insistez, vous serez gentille. Merci. Vous avez une bien jolie voix, bon. Hein? Oh! Et vous êtes de service la nuit, comme ça, alors? Oh, c'est moche. Oh, c'est moche, la nuit. Ça décale tout. Pour les repas, surtout. Ah, vous avez votre gamelle, là-bas. Oui. Ça, c'est différent. Cunningham? Cunningham, 3113? Mademoiselle Patricia Forsat de la BBC, ici votre vénéré patrouille, Preston. Pardon de vous déranger en pleine nuit, ma chérie, mais je voulais vous poser une question urgente. Dites donc, mon petit lapin, qu'est-ce que vous faites demain samedi? Oui, c'est ça, la question urgente. Vous ne faites rien? Oh, c'est merveilleux. Alors moi, je vous propose d'attraper le train qui part de Victoria à 10h45 et de venir passer la journée ici à Stonewall. Je vous y attendrai, je vous attendrai à la gare. Ah. Non, non, un petit travail que j'ai à vous demander. Pas pour l'émission, en dehors, je vous dirai. Non, non, je vous dirai, je vous expliquerai. Non, non, je vous dirai, je vous dirai, je vous dirai. Ma femme sera là, oui. Ah, ben oui, bah, il ne manquera plus que ça, ça servira à quoi sans ça? Oui, oui, elle sera là. Prenez aussi votre petit équipement pour la nuit. Il y a une chambre d'amis ravissante qui vous attend. À ce que vous voulez, je ne sais pas dans quoi vous avez l'habitude de dormir, mais je suis sûr que c'est très, très bien, ça vous va sûrement très bien. Voilà. Alors, je vous dis à demain. Et un grand merci. Votre machine à écrire? Ah non, oh non, je pense pas que ce soit utile de... Oh non, oh non. À moins que vous vouliez taper tout de suite le compte-rendu, mais enfin, je pense pas que ce soit utile. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir, mademoiselle. Bonne nuit, merci. Ménagez-vous, mon petit. Avec ce qui vous attend, vous n'aurez pas trop toutes vos forces. Ce qui m'attend, je ne comprends pas. Oh. Vous aurez toujours assez tôt, mon pauvre agneau. Bon, alors, les plateaux sont prêts, je peux les monter dans les chambres? Non, Madame Gray, vous avez déjà assez de travail à la cuisine. Ah, vous en faites donc pas avec la cuisine. Que sacré canard arrête seulement de faire le malin et tout sera prêt à l'heure, ou presque. Monsieur Gray, vous êtes, j'espère. Oh. Monsieur Gray s'occupe du vin. Et que tous les anges du paradis le protègent s'il se mêle comme la dernière fois de le goûter pour voir s'il aurait pas un petit goût de bouchon. Bon, alors, on n'est pas ici pour s'amuser. Celui-là, c'est pour où? Pour la chambre de Mademoiselle Forsyth. C'est la secrétaire de mon mari. Mon pauvre agneau. Enfin, appelons ça comme ça si ça vous fait plaisir. Et l'autre? Pour la chambre de Monsieur Brunelow. Autrement dit, celle de Monsieur Preston. Non, Madame Gray, celle de Monsieur Brunelow. Puisqu'ils ont changé de chambre. Ils ont changé de chambre. Ah, oh, ben en tout cas, c'est ce que m'a dit monsieur en partant ce matin pour son club. Vous installerez Monsieur Brunelow dans ma chambre, Madame Gray, et vous transporterez mes affaires dans la sienne, à côté de celle de Mademoiselle Forsyth. Oui, mon petit, il l'a dit. Il a même ajouté, il va se passer des choses grandioses dans cette maison, Madame Gray. Préparez-vous à une grosse surprise. Et après ça, il m'a fait un de ses clins d'œil. Bon, c'était plus que ça, hein. Oh, mais même, carrément. Oh, je voudrais vous le refaire, j'y arrive pas. Enfin... Un clin d'œil d'homme, quoi. Quelque chose de dégoûtant. Vous connaissez mon mari, Madame Gray, il aime bien plaisanter. Écoutez, mon petit, moi, je sais ce que c'est qu'une grosse surprise. Monsieur Gray m'en a fait une dans le temps. Vous savez, la cicatrice qu'il a, là, ce qu'il appelle son accident de bicyclette. Ah. Ouais. Eh bien, la bicyclette en question, c'était la sœur du facteur. Je leur suis tombée sur le dos un jour dans la cave. J'ai empoigné une bouteille et blanc. Et je vous conseille d'en faire autant, si vous voulez être respectée dans votre propre maison. Madame Gray, je vous assure que vous vous méprenez gravement sur le compte de Mademoiselle Forsyth. Oh, Hugues est en train de préparer une nouvelle émission, alors bien sûr, il peut avoir sa secrétaire sous la main. Bah tiens. Enfin, je veux dire, pas trop loin de lui, dans le cas où brusquement, il lui viendrait une idée. Oh, ça, pour lui venir, elle lui viendra. Si vous pouvez avaler des morceaux pareils sans vous étouffer, mon petit, ben vous irez sûrement tout droit au paradis. Moi, ça me fait bouillir le sang qu'un homme ait le droit de traiter pareillement une femme comme vous. Une sainte. Ça, tu ne sens tout de même pas. Une sainte, oui. Toute une vie à élever vos enfants sans un regard, ni à droite, ni à gauche. Il a fallu que vous tombiez sur un détraqué. Mon mari n'est nullement un détraqué, Madame Gray. Montez d'où les plateaux dans les chambres, voulez-vous? Ça vaudra mieux. Votre sainte patronne, Elisabeth, vous protège. Tiens, le voilà, celui-là. Vous voulez dire sans doute, voilà Monsieur Preston? Oui, c'est ça. Et voilà, il s'arrête devant le garage. La créature est assise à côté de lui. Oh là, oh, oh, oh, cette tenue. Oh, on dirait une gitane. Il lui manque plus que les castagnettes. Et c'est pour ça que je vais faire un canard à l'orange. Allez, elle descend. Et allez donc, les jambes en avant, bien sûr, juste sous son nez. Tout le monde descend d'une voiture, les jambes en avant, Madame Gray, même vous. Oh. Madame Gray, je vous prie de retourner à votre cuisine. J'y passe ma vie dans ma cuisine. Oh, oh mais dites donc. Oh, mais c'est qu'il est bel homme, ce monsieur Brownlow. Il est marié? Pas encore. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Vous savez ce que je ferai à votre place? Non, mais je sens que je vais le savoir. Je me préfère la cour par ce monsieur Brownlow sous le nez de monsieur Preston. Rien que pour qu'il se sente un peu chaud aux plumes. Ah, je vous assure, moi j'ai vu plusieurs films comme ça à la télévision, ça marche à tous les coups. Oh, et je me demande si vous saurez faire. Vous êtes tellement pur, mon pauvre agneau. Salut chérie, voilà le convoi annoncé. Par ici, mademoiselle Forsat. Attention à la marche, je voulais pas arriver à quatre pattes parce que vous savez, je me méfie. Je vous présente mademoiselle Forsat, ma femme, mademoiselle Forsat. Bonjour mademoiselle Forsat. Enchantée, madame Preston. Oh, bon, on pourrait dire au moins que ça avait bien commencé. À vous, Brownlow, par ici, attention à la marche. Oh, mon avion, pardon. Oh, j'ai fait bêtement rater la marche. Ah non, mais c'est moi qui suis désolé. Oh, écoutez, vraiment, pas de bobo. Non, ça va, oh, vous n'auriez pas été le premier, d'ailleurs, si vous saviez le nombre de types qu'on a vu arriver ici à plat ventre avec la marche. On a pu rire avec Chris. Ils arrivaient et régulièrement, paf, ils se prenaient la table dans la tête comme ça. On a eu deux morts. On était dans le jardin, on n'a rien vu à personne. Bon, enfin, je vous présente pas, vous vous connaissez, je n'ai pas besoin. Bonjour, John. Bonjour, Lee. Vraiment, vous ne vous êtes pas fait mal. Mais vraiment pas, je vous assure. Au fait, qu'avez-vous fait de cette énorme chose que vous portiez en arrivant au club, un cadeau pour nous, ma chérie? Absolument vertigineux, vous ne l'avez pas perdu, au moins. Non, j'ai dû laisser dans ma voiture, je vais aller. Non, j'y vais, moi. Quoi, c'est que je vous connais, vous savez, et je la connais aussi, elle vous louperait pas deux fois de suite. Et qui ça? Ben, la marche, tiens. Et ne vendez pas la mèche pendant que je suis pas là, hein. Faut pas dire ce que c'est. Faut ménager le suspense. Hein? Il a ses petits yeux, il commence à connaître aussi. Regardez bien. Ton mari est vraiment très gai. Follement. Vous avez fait bon voyage, pas trop d'encombrement sur les routes? Juste assez pour devenir fou, comme tous les samedis. Vous avez été vraiment très sage de venir par le train, mademoiselle Fonsac. J'imagine que vous avez eu le temps d'admirer le paysage. C'est un omnibus, n'est-ce pas? Il ne rate pas une gare. Oh, je crois même qu'il en invente. Vraiment, madame Preston, je ne m'extasie pas facilement, mais vous avez une maison adorable. On sent que chaque objet n'est pas là simplement parce qu'il est beau, parce qu'il est cher, mais parce qu'on aime. Vous ne trouvez pas, monsieur Brownlow? Ah si, c'est ravissant. Vous avez dû courir les antiquaires pendant des années, vous et monsieur Preston, pour rassembler de si jolies choses. C'est vrai, les débuts de Hugues n'ont pas été faciles, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Dès que nous avions déniché un meuble ou un bibelot qui nous plaisait vraiment, nous commencions à nous priver d'un tas de petites choses pour pouvoir l'acheter. Tabac, whisky, parfum, voiture. Oui, oh, tout cela était un peu bête. De simples jeux d'enfants. De bien jolis jeux, madame Preston. Vous ne trouvez pas, monsieur Brownlow? Moi, mademoiselle, j'ai toujours gagné trop d'argent pour pouvoir prétendre au moindre romantisme. Non, quand quelque chose me plaît, je signe bêtement un chèque et on me livre à domicile tout simplement. Mais si vous me faites le plaisir de venir un jour chez moi prendre un verre, c'est une méthode qui donne aussi quelquefois d'assez bons résultats. J'en doute pas. Mais il me semble qu'avoir tout de suite ce qu'on désire, c'est un petit peu si on enlevait le désir à l'amour, non? Non, c'est comme si on tirait la file d'attente devant un cinéma quand vous avez envie de voir le film, tout simplement, n'est-ce pas? Et voilà l'objet. Et mon vieux, sans vous faire de reproche, votre bagnole est interminable. J'ai fini par le trouver dans la pièce du fond. Tu te rends... Hop, et voilà. Hop, et voilà, regardez bien. Regardez bien, et si vous devinez ce que c'est, vous aurez droit à une grande louche de plus que les autres. Qu'est-ce que c'est? Du caviar. Elle a deviné. C'est du caviar, chérie. Je ne sais combien de kilos de caviar. Ah non, non, non, un kilo seulement, Preston. Ah bon, non seulement, vous savez ce que c'est? Maintenant, ils mettent la boîte dans une autre boîte avec de la glace pilée, le tout dans une troisième boîte. Alors, ça paraît énorme. Ah oui, d'accord, mais, oui. Vraiment, s'il y a le frigidaire avec, ça fait du volume, c'est normal. C'est une idée adorable, John. J'adore le caviar. C'est vrai, Lise adore le caviar. Ma chérie, tu es heureuse. Comment avez-vous fait pour le deviner? Ça me rend... Enfin, un bon coup de vodka par là-dessus et je sens que nous allons faire une ouverture à l'est tout à fait remarquable. Sois gentille, chérie, porte ça à Madame Gray et dis-lui bien que ce n'est pas pour serrer les chaussures parce qu'elle voit du noir, elle cire. Demande aussi à Monsieur Gray de monter les bagages dans les chambres si toutefois sa colonne vertébrale n'élève aucune objection. Merci, mon poussin adoré. Merci, ma chérie. Merci, chérie. Stupéfiant, non? Pardon? Lise, stupéfiant, vous avez vu? Chérie fait ci, chérie fait ça, et elle le fait, elle s'exécute. Et croyez surtout pas que c'est un numéro que nous avons mis au point, en votre honneur. Pas du tout, pas du tout. Elle est comme ça, rapide, efficace et silencieuse. Asseyez-vous parce que vous me donnez un peu le vertige, comme ça. Et je dois dire, alors tout à fait raisonnable, sur le chapitre de la consommation. Je vous demande pardon. Non, mais pas du tout le genre à croquer des diamants au petit déjeuner ou à se promener vêtu de peau de bête orluineuse. Pas du tout, ah non, pas du tout, c'est le contraire. Enfin, vous verrez. Franchement, personne, je trouve ce genre de conversation tout à fait désagréable. Pourquoi? À cause de Mademoiselle Forsyth. Mon pauvre ami, il y a bonjour qu'elle est au courant, la malheureuse. Et comment cela? Mais oui, parce que figurez-vous qu'elle se trouvait par hasard dans cette agence de voyage le jour où vous étiez en train de retenir des places pour l'Italie en compagnie de Lise. Mais c'est impossible. Vous en doutez? Parfaitement. Mademoiselle Forsyth, vous êtes avec moi? Oui, monsieur Preston. Concentrez-vous bien, Mademoiselle Forsyth. La date et l'heure de l'événement, je vous prie. Mercredi 17 juin à 15h30. Le lieu de l'événement, je vous prie. Agence générale Blumenson, 175 Oxford Street. La tenue du monsieur et celle de la dame? Tout à fait correct. Oui, je me débrouille. Les vêtements, je parle des vêtements. Suivez-moi bien, mademoiselle, s'il vous plaît. Robe en lainage léger de chez Florence Veil, couleur amande grillée. Ceinture en lézard naturel et sac assorti pour Madame Preston. Ça, oui. Et puis... Costume gris à petites rayures blanches, chapeau en velours de soie noire et souliers noirs d'antilope pour Monsieur Brando. Mademoiselle Forsyth, une dernière question, concentrez-vous bien. Vous êtes avec moi, monsieur? Je ne sens pas votre fluide. Voilà, bien, attention. Attention, ça va passer. Les références des deux couchettes, vite. Numéro 24 et 26, voiture 9. Ah! Et je vous jure qu'il n'y a aucun truc. Mais je crois au contraire qu'il y en a un, Preston. Et il est assez peu glorieux. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oh, bah tiens. Moi? Au risque de vous paraître immodeste, monsieur Brunneau, je vous affirme que d'habitude, ce sont plutôt les hommes qui me suivent. Bon, écoutez. En 3 minutes, et vous mettrez n'importe quelle rue en sens unique, le diable. Le doigt de Dieu, Brunneau. C'est le doigt de Dieu sur vous, Brunneau. Allez, oubliez ça. Et faites-nous un joli sourire. Voulez-vous me faire voir cette fossette, là? Ne perdez pas de vue, mon cher, vous êtes un des hommes les plus attirants de Londres. Ah oui, et comment l'entendez-vous? Mais je ne fais que répéter ce que Lise m'a déclaré hier soir. Et j'ajoute que plus je vous regarde, plus je suis de son avis. Vous êtes très bien. Vous avez dû être un très beau bébé, vous. Hein? Oh. Non, Mademoiselle Forsyth, comment trouvez-vous notre ami? Je ne connais pas tous les hommes de Londres, naturellement, mais je le trouve tout à fait charmant. Ah, vous avez vu ça? Tout à fait charmant. Pas plutôt charmant, pas assez charmant. Tout à fait charmant. Sacré vénard. Oh, tiens, à propos que je n'oublie pas ça. Et n'oubliez pas dimanche en partant, vous non plus, c'est pour Lise, hein. C'est du méthanone. Qu'est-ce que c'est? C'est un reconstituant de la cellule nerveuse. Ah, parce que Lise... Non, elle va bien. Ça va. Comme ça peut aller à partir d'un certain âge. Non, ça va. Mais elle est, elle est sujette aux contrariétés, aux déceptions. Ça la déprime. Elle est facilement sur le flanc à cause de ça. Alors, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas. 10 ou 12 gouttes dans un demi-verre d'eau. Je sais pas ce que c'est. C'est écrit très petit. Je sais pas si c'est 12 ou 120 gouttes. Vous commencez par 60, ça fait une cote mal taillée comme ça, et elle se remet à briller comme un vrai petit soleil. Mais je vous remercie infiniment. Voilà. Et si elle fait des difficultés pour le prendre, faites comme moi, vous lui pincez le nez, ça lui fait ouvrir la bouche, ne vous en faites pas. Eh bien, je crois que le moment est venu, mes tout petits, de nous plonger dans quelque chose de viril. J'ai là à peu près tous les poisons qui conduisent lentement à la folie. Vous avez une préférence ? Le chéri. Le chéri, oh, j'en ai un. J'en ai un là qui est assez vieux pour être votre père. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà, Brunelow, je vous sers quelque chose. Tiens, un scotch avec des glaçons, s'il vous plaît. Un scotch avec des glaçons ? Des glaçons de rivière, hein ? Ah, attention. Ah non, non, c'est pas pour faire mousser la marchandise que je vous donne, mais des glaçons de rivière. Vous êtes amateur de glaçons ? Alors ça, vous allez vous régaler. Ceux-là sont merveilleux parce que ça n'a rien à voir avec ces cochonneries de glaçons de robinet qu'on vous fabrique à Londres. Ça, c'est l'authentique glaçon de rivière. C'est une merveille. Moi, j'arrive à les prendre sans scotch maintenant, c'est vous dire. Chérie, tu arrives juste à temps pour la distribution. Tu veux un petit whisky ? Merci, je me servirai moi. Non, asseyez-vous, c'est ma femme. Je crains malheureusement qu'il ne vous faille patienter encore un petit moment avant de passer à table. Madame Gray a quelques ennuis avec le canard. Ah oui, mais ça, c'est terrible, le canard, mes enfants. Mais je vous avais dit, ne faites pas de canard. Vous êtes entêtés, toutes les deux. J'ai dit, pas de canard. Faut faire du veau quand il vient du monde. Pas de canard, vous comprenez? Le canard est un animal terrible. Je dis ça sans aucune pointe de racisme. Enfin, le canard, j'ai toujours bien admis le canard. Et je comprends très bien que le canard a une promotion sociale. Mais le canard à table est terrible. Que voulez-vous? Nous en avons connu un, écoutez, on peut vous le dire. Il y a quelques années, en Écosse, hein, dans une petite auberge, avec Lise, il a fallu l'entamer à la scie. C'est agréable. Tu te souviens, chérie? Pas du tout. Chérie, écoute, c'était pendant notre troisième ou notre quatrième voyage de noces. Et ça n'intéresse personne. Vous avez fait plusieurs voyages de noces, monsieur Preston? Six, ma chérie. Six. Pendant 6 ans, nous sommes partis à chaque anniversaire de notre mariage, comme ça, pour une destination différente. Nous appelions ça notre retour aux sources. C'est une idée de Lise qui a de très jolies idées. C'est une idée adorable. N'est-ce pas, oui, oui. N'est-ce pas, monsieur Brunelow? Tout à fait adorable. Bravo, Lise. Mon Dieu, il nous en a fallu 6 pour en faire un à peu près normal. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Oh, c'est joli. Oh, ingrate. Ah, voilà comment tu traites le passé. Tu n'as pas honte. Non, je voulais vous demander... Je vous le demande maintenant, mais ne l'ébruitez pas parce que... On ne sait pas à qui on parle par la suite. Bien entendu. Je voulais vous poser la question. Oui. Qui veut encore un verre? Moi. Ce vieux chéri est un chef. Ah, c'est bien. Je vois que vous appréciez. C'est merveilleux, là. Brunelow, vous repiquez aussi au truc? Mais volontiers. Allez, très bien, je vous sers ça. Ah, c'est que nous avons pris une sacrée suée ce matin sur ce cours de tennis. Ah, ça, je dois dire, la plus belle de ma vie. Oh là là. Parce que tu as joué au tennis avec John? Oh, juste 3 petits sets en attendant l'arrivée du train de Mademoiselle Forsat. Et ça n'a pas traîné, hein, tu te rends compte. 6-0, 6-0, 6-1. Bravo, j'espère que tu es fier de toi. Oh, mon pauvre amour, j'ai fait ce que j'ai pu. Brunelow, encore un petit glaçon. C'est la saison, vous savez, faut les prendre maintenant parce qu'après. Ça faut que ça soit pris quand c'est frais parce qu'après c'est plus bon. Voilà. Oui, enfin, pour en revenir au tennis, je dois dire qu'il n'a pas eu beaucoup de chance, oui. Surtout dans vos services. À mon avis, je dis ça, je ne dis rien, peut-être on me trompe, mais il me semble cependant que vous devriez serrer davantage votre raquette, je crois. C'est possible, vous n'avez peut-être pas tort, effectivement. D'ailleurs, j'ai toujours pensé moi-même que le tennis serait un jeu beaucoup plus agréable si on supprimait carrément la raquette, que la balle soit plus grosse et qu'on se l'envoie au pied. Oh. Mais peut-être me trompe, j'y tout. Tu veux dire que c'est John qui t'a battu? Oh, battu, ma chérie, le mot est faible, il m'a pas battu, il m'a roulé dans la poussière. Un ouragan lâché sur la malheureuse Jamaïque que je suis. Hein? Oh! Oh! Vous avez la cuisse dure, c'est fou. Non, non, n'exagérons rien, Preston. Non, mais tout de même donné du fil à retordre. Oui, on... Ah si, on sent même tout de suite que vous avez dû jouer très bien. C'est dans le temps. Ah oui. Maintenant, vous êtes un peu rouillé, mais c'est normal. C'est normal. Mais je vais vous dire, être ou avoir été, voilà. La vraie philosophie du poète, je crois. Oh, pardon, ma chérie, pour ces conversations exclusivement masculines, pardon. Oh, ce sont celles que je préfère, monsieur Preston. Oui. J'adore le sport. Oui. Je trouve que c'est dans un stade que l'homme prend sa véritable dimension. Oui. Non, pas compte, c'est possible. Oui. Vous prenez votre dimension dans un stade? Je sais pas du tout. Il faudra que j'essaie, je sais pas du tout. Et les fleurs? Parce que ça, c'est un test. Aimez-vous aussi les fleurs? Vous reste-t-il du temps pour vous occuper un peu de fleurs? Dans un autre ordre d'idées, je les aime également beaucoup. Vous voulez voir les plus belles d'Angleterre? Eh bien, ce sont celles que Lise a plantées dans ce qu'elle appelle son jardin secret. Vous avez des fleurs sous vos fenêtres à Holland Park, Brunlow? Dans des pots, vous voulez dire? Oui. Bon Dieu, non, quelle horreur. Ah, donc, bah, alors là, vous en aurez. Là, vous allez en avoir. Là, vous allez en avoir. Attendez-vous à voir les volubilis s'enrouler autour des robinets de votre baignoire. Les fleurs poussent sous les doigts de Lise, comme les étoiles sous les doigts de la nuit. Vous dites des choses ravissantes, toujours, monsieur Preston. Toujours, à partir du deuxième verre, toujours, toujours. Et je vous en dirai encore bien d'autres, si vous êtes assez naïf pour m'accompagner parmi les Corylus purpurea, les Cratwegus violets, les Azalées sibelius et les Veronica spicata de Lise. Tu veux bien que je montre tout ça, mademoiselle Forsyth? Mais naturellement. Alors je vous emmène. Prenez votre verre, prenez votre verre. Suivez-vous, mon père. Là, mais ça, c'est très... Faut se méfier. Tous les meubles, les marches, attention, marche aussi, parce que même dans l'autre sens, elle est valable aussi. Merci, je vous rejoins tout de suite. Allez, moi. Autre chose que l'archevêque de Canterbury, ça. Hein. Mais de quoi parlez-vous? De mademoiselle Forsyth, elle est extraordinaire, vous avez vu. Et tu as vu la façon dont elle me regarde. Elle est folle de moi. C'est même gênant à ce point-là, parce que... J'ai vraiment elle ton adoration devant moi, extraordinaire. Et vous avez vu la façon dont elle marche, une espèce de grande fleur, là, comme ça. Là, on se rend moins compte parce que j'ai pas le pantalon fondu, mais... Oh, la fleur de la passion a laissé tomber une larme, et toutes les roses rouges se sont mises à saigner. Attends-moi, ma colombe. Mais il est complètement fou. C'est de Tennyson. Pardon? Ce qu'il a dit en sortant, c'est un poème de Tennyson. Ah bon, je ne savais pas qu'il était poète. C'est votre mari, je veux dire. Bien qu'il se conduise plutôt bizarrement. Vous l'avez remarqué, vous aussi? C'est assez remarquable. Savez-vous, quand je suis arrivé ce matin, c'est tout juste qu'il ne m'a pas embrassé. Quant à la manière qu'il a de lorgner ostensiblement sa secrétaire comme si elle se promenait toute nue, je la trouve également déraisonnable. Et c'est compréhensible, certes compréhensible, mais déraisonnable. Autrement dit, vous admettez que l'on ne puisse pas regarder mademoiselle Forsyth sans l'imaginer toute nue. Dois-je en conclure que cela vous est arrivé? Mais sur le quai de la gare, quand elle est descendue du train... Puis-je vous rappeler, John, que c'est avec moi que vous partez demain pour l'Italie? Allons, voyons, Lise, mais ne soyez pas bêtement jalouse parce que j'ai imaginé mademoiselle Forsyth toute nue. Mais comment croyez-vous que je vous ai imaginé, vous derrière votre chandelier, et pendant cette dîner à l'ambassade du Chili, hein? Dites-moi un peu. Oh, Jeanne, chérie, vous dites des horreurs. Mais vous les dites si bien. Ah, bon. Bonjour. Bonjour, Lise. Ça va? Ça va, et vous? Pas du tout. Ah bon? Oh, Jeanne, ne m'en veuillez pas de ma ridicule petite scène de tout à l'heure, mais la vérité est que... Et que je suis terriblement crispée, J'ai peur. Peur? Oh, John, pourquoi es-tu venu ici? Mais parce que tu me l'as demandé, Lise. Moi? Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, alors, il ne fallait pas venir. Voilà tout. Il fallait être plus raisonnable que moi. Oh, John. Mon petit Liseron, qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre qu'il nous a tendu un piège. Un piège, ton mari? Oh, le pauvre, il en est bien incapable, alors, ça. Incapable? Non. L'année dernière encore, il a réussi à faire construire une chapelle par la banque Rothschild. Ben peut-être, ma chérie, peut-être, mais de toute façon, on ne prend pas au piège un agent de change. Tu ne connais pas Hugues. Il est plus rusé qu'un chef indien. Réfléchis. Oui. Il sait que tu es mon amant. Il t'accueille ici comme un copain d'enfance rescapé d'un naufrage. Pourquoi? Et pourquoi exactement veut-il aller dans le lit de cette horrible mademoiselle Forsyth? Comment? Il veut aller dans le lit de mademoiselle Forsyth avec mademoiselle Forsyth? Évidemment. Et tu te demandes sérieusement ce qu'il compte y faire en va voyant les ils vont pas faire un jean, écoute. D'après lui, c'est pour que madame Gray les surprenne demain matin en apportant le petit déjeuner et qu'elle puisse en témoigner devant le juge des divorces. Oui. Il dit qu'il veut prendre tous les torts du divorce à sa charge. Mais plains-toi. Mais ça ne tient pas debout, John. Non. Hugues n'est pas du tout le genre de mari à rendre ce genre de service. Ah. Ben, si tu le connaissais comme je le connais... Dis-moi. Tu te rendrais compte que tout ce qu'il fait depuis quelques heures est éminemment suspect. Oh, suspect, Lise. À commencer par cette partie de tennis que tu crois avoir gagnée. Oh, mais je l'ai vraiment gagnée. Et même avec un certain brio, 6-0, 6-0, 6-1. Mais parce qu'il l'a fait exprès. Oh, exprès. Exprès de se faire battre devant tous les membres de son club par l'amant de sa femme. Enfin, voyons, Lise, essaie de dire des choses sensées. Il transpire à grosses gouttes, le malheureux. J'imagine que ça doit être éreintant d'envoyer encore plus de balles que toi dans le filet. Oh non, alors ça, je n'aime pas. À son âge, Hugues est encore classé en milieu de deuxième série. Ça signifie qu'il n'y a pas dans toute l'Angleterre plus de 50 joueurs capables de le battre. Mais avec moi, ça fera 51, tout simplement. Mais ne soyez pas ridicule. Qui avez-vous battu au tennis jusqu'à présent, à part votre tante Agathe? Oh, mais je n'ai pas de tante Agathe et vous donnez franchement désagréable, Lise. Oh, pardon, John, mais je voudrais tellement que vous compreniez que Hugues s'est moqué de vous. Mais on ne se moque pas de moi. Si invraisemblable que cela me paraisse, j'ai battu votre mari, pas seulement au tennis, mais aussi aux échecs. Vous Vous avez battu Hugo aux échecs? Ce matin même, après notre partie de tennis. Je ne pratique pas si jamais ce jeu, mais je me suis montré plutôt brillant. Ce pauvre Preston s'est effondré en moins de 5 minutes, ça n'a pas traîné. Dieu de Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lison? Qu'est-ce qui se passe? Jeanne. Je suis là. Vous avez entendu parler d'Igor Andreïev? Et c'est le pédicure? Non, pas celui-là. Ah, pardon, je... Igor Andreïev est un jeune prodige, futur champion du monde des échecs. Oui. Il a fait l'année dernière une tournée en Europe, oui, et Hugues a eu l'occasion de jouer contre lui à son cercle. Oui. Il a fallu 3 heures à Andreïev pour en venir à bout. Oui. Et alors? Mais vous comprenez maintenant que vous n'avez pas pu le battre, vous, en 20 minutes. Et que vous ne le battriez pas davantage en 20 ans. Mais je l'ai tout de même battu, ma chère, c'est une évidence. Et je m'étonne qu'il vous soit aussi pénible de l'admettre. Vous avez une tête de mule et une dose de vanité qui ferait rougir un chanteur de charme. Non, non, non. Vous n'avez battu ni au tennis, ni aux échecs, et vous ne le battrez jamais. Il s'est laissé battre. Et vous devriez vous demander pourquoi, au lieu d'être là comme un grand bonnet, tirer des feux d'artifice. Que je dis, je suis folle, moi? Regrettablement nerveuse, en tout cas. Oh, John. John, c'est notre première dispute. Ah, ma chérie. Oh, embrassez-moi. Oh. Embrassez-moi, vie. Je suis dans vos bras comme une feuille dans le vent et j'ai envie de danser. Fais-moi encore danser. Madame Monty, vous avez besoin de quelque chose? Madame Gray, non, pourquoi? Comment? Vous m'avez pas appelé? Pas du tout. Oh, oh, ben ça alors! Je l'aurais juré. Encore ma vieille oreille là, qui m'a joué un tour. Alors, voilà le monsieur qui a pris la place de monsieur. Oui, Hugues a eu la gentillesse de vous céder sa chambre pour cette nuit. C'est ce que Madame Gray veut dire. Ah bon, je comprends, oui, ça y est. Monsieur, lui, il ira dormir dans la chambre d'amis, juste à côté de celle de la demoiselle. Ben, il faut bien qu'il dorme quelque part. Ben voyons. Madame Gray, puis-je profiter de votre présence pour vous demander où vous en êtes avec ce canard? Eh bien, de ce côté-là, ça aurait plutôt tendance à s'arranger. Ah ben, oh, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein. Vous avez tout votre temps. Courage, mon pauvre. Oh, Lise, c'est cette Madame Gray qui va surprendre demain matin votre mari dans le lit de Mademoiselle Forsythe et vous servir ensuite de témoin? C'est elle, oui, Dieu merci, il n'y en a qu'une. Je la trouve très bien, moi. Oh, dites donc, Lise, à propos, non, soyons sérieux, j'espère qu'elle ne se doute de rien en ce qui vous concerne, vous et moi. De rien, rassurez-vous, toute son attention est accaparée par la beauté pulpeuse de Mademoiselle Forsythe. Quant à moi, je suis à l'abri de tout soupçon, elle m'appelle son pauvre agneau et me prend pour une sainte. Non, oh, c'est amusant, ça. Ne croyez surtout pas que je m'ennuie. Vous savez à quel point j'apprécie ce genre de commis? Non, mais je plaisantais, Lise. Oh, ça y est. Ça y est, j'ai la migraine. Oh, mais pourquoi ne prenez-vous pas un peu de méthanone, puisque ça vous réussit, mon Dieu? Mais j'en ai plus. Mais tenez, ma chérie, en voilà. Comment vous avez pensé à cela? Comme c'est gentil. Et l'autre idiot qui disait que c'était purement physique. Quel porc, celui-là, non? Vous avez acheté ça ce matin? C'est-à-dire que c'est votre mari qui... C'est mon mari qui? Oui, oui, c'est-à-dire qu'il me l'a donné dans le cas, c'est... Pour le voyage, Lise, c'est pas... Remettez ça dans votre poche. Mais pourquoi, voyons, il n'y a pas de sorte de méthadone, ça revient au maire. Remettez ça dans Lise, votre poche. Lise, mais pourquoi vous vexez pour une chose pareille, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a, Preston? Oh, mon Dieu! Asseyez-le, Lise, asseyez-le. Dégrafez-le. Mademoiselle Forsythe! Mais quoi, Mademoiselle Forsythe? Mademoiselle Forsythe! Mais où est-elle? Parlez! Au fond du jardin, étendue sur un banc. Il est à craindre que la malheureuse gosse ait été piquée à la jambe par une guêpe, dites donc. Oh! C'est stupide de faire des portes pareilles, une guêpe! Eh ben, et alors, une guêpe, oh. Dis pas n'importe quoi, une guêpe! Tu la verrais, tu ne la reconnaîtrais pas! Je parle de... La guêpe va assez bien, mademoiselle Forsythe. Tu n'aurais pas une pommade quelconque avec un vieux bout de coton? De l'ammoniaque, Lise, je suis péremptoire. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est de l'ammoniaque. Oui, au moment de passer à table, canard à l'ammoniaque, vous êtes... Oui, bon, je préférerais autre chose, voyez, tout ce que tu voudras, sauf de l'ammoniaque. Je vais chercher le tube d'apicaïne. Merci, chérie. Oh, je suis désolé de te déranger comme ça. Oh, mon Dieu. Brunelow, la première guêpe de l'année, ça s'arrose, ça? Vous prenez un verre? J'en ai déjà vu deux. Eh ben, tant que vous êtes capable de les compter, c'est pas grave, vous en faites pour vous servir ça. Et pardon encore de vous avoir dérangé aussi brusquement, mais vous savez ce que c'est, vous avez... Non, pardon. Vous avez ordonné. Oui. Principal dans ce genre de truc, c'est la rapidité des premiers secours. Ah, oui. Oh, mon Dieu, je vous remets. Je vous remets un petit glaçon. Merci volontiers. Oui. Voilà. Je vous en mettrai dans les cornets pour partir. Voilà. Vous en voulez Non, je crois que ça suffira. Oh, la malheureuse. J'espère qu'elle s'en sortira, la pauvre gosse. C'est que je fonde de grands espoirs sur elle. Oui, je sais. Lise m'a mis au courant. Oui. C'est pas bête, mon idée, non? Oui, oh, ça ne me regarde pas naturellement, mais les gens qui gaspillent leur argent pour rien me rendent malade. Avez-vous pensé à ce que cette histoire avec Mademoiselle Forsythe risque de vous coûter en pension alimentaire? D'accord, mais enfin, vous allez vous occuper de ma femme et de mes gosses. Je peux faire un petit effort de mon côté. Bon. Moi, à votre place, j'essuierai ça tout de suite. Quoi donc? Les traces de rouge à lèvres que vous avez là. Si Madame Gray vous voit avec ça, alors, traces de... ça flanque tout par terre, ben oui. Je vais vous tenir votre verre. Vous êtes emprunté. Ah, frottez bien. De mon côté, sur mon côté, voilà. Un peu à tribord encore, voilà. Merci. Je vous remercie infiniment, Preston. Mais je vous en prie, moi, vous savez, j'ai toujours été pour les associations d'entraide. Et puis, il faut dire que Lise a un côté panthère, parfois, vous savez, tout à fait déconcertant. Hein. Je me souviens du jour où elle m'a embrassé pour la première fois. Non, je vous dis ça, c'est comme ça. Ben, embrasser, enfin, ce que j'appelle embrasser, c'est vraiment le baiser qui compte. C'était en Écosse, c'était sur les bords du Loch Ness. Je sais pas, nous étions en voiture, nous roulions là, et depuis un petit moment, et à un moment, j'arrête pour allumer une cigarette, mon cher ami. Elle m'est tombée dessus, la foudre, sans prévenir la foudre, tout a volé. Mon briquet, mon étui à cigarette, mon bouton de colle, tout a volé. Elle m'avait même ébranlé une dent, vous rendez compte? Elle bouge encore, regardez. Elle est là, la grève en l'air qu'elle a. Je l'ai gardé en souvenir, je l'ai fait visiter le dimanche, parfois, mais je dois dire que ça valait la peine, vraiment. Oh, sacré Lise. Et voilà ce que ça a donné. Dick et Sheila, nos deux enfants. Ils sont mignons, hein? Dick, c'est celui qui a les cheveux longs. C'est le garçon. Pour le moment, il compose de la musique pop. Tant qu'il se met pas à vous la jouer dans votre salon avec ses copains, ça va à peu près. Quant à Sheila, alors elle est extraordinaire. Elle n'a pas sa pareille pour organiser des surprises parties, elle est merveilleuse. Vous rentrez chez vous, comme ça, après une journée un peu fatigante, vous vous apprêtez à passer une soirée morne, et vous tombez sur une soixantaine de mômes pendus à vos rideaux. Enfin, je vais pas vous faire l'article, vous verrez vous-même, hein. Chérie, sans me faire de reproche, je me demande dans quel état je vais retrouver Mademoiselle Forsythe. Où étais-tu, mon ami? Je suis passée par la cuisine en redescendant. Ah, bon, Madame Gray, bon espoir pour le canard, oui. Elle affirme que ce n'est plus qu'une question de minutes. Eh ben, ne t'attarde pas. Non, je fais juste le retour. Tu n'as pas besoin de moi. Non, elle est légère, je pense que j'aurai qu'un voyage à faire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. John Cheryl vous a dit quelque chose. Il suffit de vous regarder pour le savoir. Que vous a-t-il dit? De toute manière, c'est un mensonge. Il passe sa vie à mentir. Il y a un genre de détail qui ne s'invente pas, Lee. Quel détail? Votre premier baiser, tout simplement. Oh, mais rassurez-vous. Il en a gardé un souvenir ébloui. Et tout à fait flatteur en ce qui vous concerne. C'est tout? Il m'a paru largement suffisant. Je vous remercie beaucoup. John Cheryl, soyez raisonnable. Je suis restée la femme de ce monstre pendant 15 ans. Vous devez bien vous douter que je l'ai embrassé deux ou trois fois. Mais je ne vous demande aucune justification. Après tout, il était votre mari. Il est tout à fait normal qu'une jeune femme embrasse son mari. Non, non, ce qui est très désagréable, c'est qu'il vienne me le raconter ensuite à moi, en long et en large et dans les détails. Ça, je n'aime pas du tout. Eh bien, vous n'aviez qu'à lui raconter le vôtre. Vous aussi, vous en avez eu un de premier baiser. Oh, Lise, John Cheryl, ne me faites pas la tête. Ne lui donnez pas cette joie. Mais je ne fais pas la tête. Et je m'en pardonne, mon veston. Oh. Merci beaucoup. Mais je reconnais, j'étais plutôt muet. Je m'attends à ce qu'il se lance dans le récit de votre voyage de noces. Et comme vous en avez fait 6. Mais pas des vrais, je vous le jure, pas des vrais. Lise. Oui. J'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Allons-nous-en. Maintenant? Tout de suite. Vous êtes fou, et mon déjeuner? Mais il y a 20 restaurants, ici et Londres. Et mes bagages? Mais l'Italie en est pleine, plus ensuite de robes, de bijoux, de vêtements, de chaussures. Venez, Lise, venez. Je sens que c'est très important pour nous. Allez, venez tout de suite. Non, John. Mais pourquoi non? Mais donnez-moi au moins une raison, Lise, que je comprenne. Parce que ce serait lâche. Quoi? Si nous ne sommes pas capables de supporter cette situation encore pendant quelques heures, cela signifie qu'il n'y a rien que nous pourrons supporter. Je veux bien partir avec vous demain matin, et je partirai. Et je ne veux pas me sauver. Je n'aime pas les mauvais souvenirs. Eh bien, vous avez peut-être raison, mais vous verrez, ça va pas être facile. Je crois que le bonheur n'est jamais facile. C'est vrai. Doucement. Inutile de fatiguer votre chère petite jambe. Appuyez-vous sur votre On ne pourra pas être tranquille deux minutes, alors. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention à la malheureuse. Attention à la marche. Attention. Mais vous êtes très gentil, monsieur Preston. Mais je vous assure que je peux marcher toute seule. Pas d'héroïsme, ça n'a jamais réussi à personne. Je vous aide. Aidez-vous de la main, tournez le fauteuil. Voyez bien. bien que j'amène une urgence, alors voyez, poussez ça à vous. Attention, attention, pas la manœuvre à gauche, attention. Voilà. Oh, attendez, je vais vous glisser ça, voilà. Voilà. Oh. Voilà. Ça va, vous vous sentez mieux, ça oui, oui, beaucoup mieux, oh. Merci. Oh, je suis désolée, Madame Preston. Je suis en train de gâcher votre journée, c'est ridicule. Oui. Mais pas du tout, c'est moi qui suis désolée. C'est la première fois que quelqu'un se fait piquer par une guêpe dans notre jardin. Oui, oh, bah, tu penses bien que c'était pas une guêpe de chez nous, de toute façon. Elle venait sûrement de chez cet imbécile de Walford, de l'autre côté de la route. Il a des guêpes idiotes, ce type. Et, alors, je les vois en sortant, elles sont sur le muret, elles sont là. Il y a l'escadrille, elles attendent pour piquer, là, vraiment. C'est pas des vraies races, d'ailleurs, ça. C'est un croisement, ça. Ça va être chèvre et mouche, ça, c'est pas... C'est de la sale guêpe, ça, vous savez. Vous êtes empoisonné par ça. Oh. Vous savez, c'est pour ça que j'ai chassé le lion 5 ou 6 fois en Afrique centrale sans la moindre émotion. Mais alors, les insectes me font une peur bleue, oui. Plus c'est petit, plus c'est méchant, cette oui. bête-là. Et plus c'est grand, vous savez ce qu'on dit en France, en fait. Oui. Dites-moi, vous avez dû avoir horriblement mal, non? Au début, oui. Mais je dois dire que M. Preston a été vraiment très... Efficace, très efficace, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que j'ai arraché tout de suite l'aiguillon. Vous comprenez? La présence d'esprit. C'est-à-dire, tiens, il y a un aiguillon, toc, je l'arrache. C'est ce qu'il faut faire tout de suite. Un peu de pommade par là-dessus, un bon massage en montant, il n'y paraît plus. Mais le fait est qu'il n'y a vraiment plus aucune trace. C'est à se demander même où elle a été piquée. Juste au-dessus du genou. Oui, environ 40 cm au-dessus du genou. Au fait, chérie, toujours pas de nouvelles du déjeuner? Aucune. Non, bah tu pourrais peut-être en profiter pour montrer sa chambre à Mademoiselle Forçage. Mais avec plaisir. Voilà. Vous voulez pas que je vous tienne la jambe? Non, non, ça ira très bien. Je vais vous tenir la cuisse. Je vais vous tenir la cuisse. Parce que quand vous aurez la cuisse coupée, qu'est-ce que vous faites avec le reste? Je vous le demande. Tiens, tu la reprends? Non. Vraiment. Et pourtant, elle sait tenir la cuisse, enfin, ça, c'est tout. Pardon. Ah bon, on danse maintenant, alors. Non. Vous produisez, c'est comme vous voulez. Alors, vous préférez prendre un verre? Non, merci, je n'ai plus soif. Et alors, il paraît que de tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui puisse boire sans soif et faire l'amour sans en avoir envie. Alors, soyons des hommes. Je vais vous servir ça, vous en faites pas. Trouvez votre verre. Et puis nous allons nous voir beaucoup maintenant. Ah oui? Mais oui, Lise m'a dit que vous comptiez bien que j'irais vous rendre visite de temps à autre à Holland Park, non? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, c'est entendu, Preston, dans ces conditions-là, je vous appellerai Hugues. Eh ben voilà. Eh ben, j'en suis ravi. Voilà votre verre, John. Merci. Je suis très content de vous avoir ici, John. Très aimable. Vous en prie. Non. À votre santé, John. Oh... On est bien. Oui, on est... Oui. Vous êtes content de votre cuisinière, vous? C'est un cuisinier chinois. Oui, on... Vous pensez bien que je vais pas vous laisser tomber pour si peu. Oui, vous savez, Preston... Hugues. Hugues. Vous savez, je commence à me poser très sérieusement certaines questions à votre sujet. C'est pas vrai. Oui, je me demande par exemple si vous n'êtes pas complètement fou. Oh, c'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Qui est fou, d'ailleurs, et qui ne l'est pas? De quel côté du mur de l'asile se trouve-t-on dans cette foutue vie? Eh bien, il a dit. Vous connaissez celle du pigeon? Celle du pigeon? L'histoire du pigeon. Ah non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas l'histoire du pigeon? Oh, faut que je vous raconte ça. C'est un copain psychiatre qui me l'avait raconté. Il ne se sentait pas très bien non plus, d'ailleurs, je veux dire. Et alors, c'est une histoire... Ça se passe dans la cour d'un asile. Il y a une infirmière qui est en train de promener un pensionnaire, comme ça. Elle le tient en laisse. Pardon? Elle le tient en laisse parce qu'il n'est pas tout à fait guéri, il ne sort que le lendemain, alors elle le tient encore en laisse. Il se balade et à un moment, en passant sous un arbre, il y a un pigeon qui est sur une des branches de cet arbre, qui laisse tomber au moment où il passe. Qui laisse tomber. Et... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez? Non mais vraiment, vraiment énorme. Non, vraiment, non, non, vraiment, non, non, non. Je vous le dirai pas sans ça, vraiment. Et ça vient juste atterrir sur le crâne du... L'autre fou furieux, c'est le cas de le dire, attrape l'infirmière et lui, alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'essuyer? Alors, il y a cette pauvre femme qui regarde, ben, ouais, et puis elle dit, ben, écoutez, je voudrais bien, seulement les règlements de la maison interdisent aux infirmières de grimper aux arbres. me réveille la nuit pour me la dire. C'est pas... Oh, elle est bonne quand on la comprend, vous verrez. Non. Pensez-y, parce que ce sont des plaisirs qu'on a dans la vie, vous comprenez? On ne comprend pas tout de suite, et puis après, on se dit... Oh, on atteint un certain âge, on goûte tout le sel de ça. Enfin, je voulais vous poser la question. Dans cette histoire, vous qui êtes si fort, qui est le fou? Vous, en tout cas. Et alors, ça ne fait aucun doute, Preston. C'est aimable, vraiment. Alors, ma chérie, comment Mademoiselle Forçat a-t-elle trouvé sa chambre? Adorable. C'est la plus adorable dans laquelle elle soit jamais entrée. Allons bon. Elle se sent mieux, elle t'a montré sa petite piqûre. Oui, je pense même qu'avec les jambes qu'elle a, elle se fera un plaisir de la montrer à toute la BBC. Uniquement au chef de service et aux membres du conseil d'administration, ma chérie. Tu veux un verre? Merci, j'ai assez bu. Tu n'en veux et pas? Et toi aussi, si tu veux mon avis. Je veux juste mon petit gobelet. Oui, tu ferais mieux de conduire John à sa chambre. Il a peut-être envie de défaire ses valises. Et tu crois pas qu'il préférerait que ce soit toi qui lui tienne la main? Oh, je t'en prie. Et si j'y allais moi-même, ce serait peut-être la meilleure solution, non? Où est-elle, cette chambre? Au premier étage, au fond du couloir à droite. Très bien. Mais parce qu'à l'étage au-dessus, vous risqueriez de vous jeter dans les jambes de Mademoiselle Forçat, alors vous et la guêpe, ça ferait peut-être beaucoup pour une seule cuisse. Ne vous gourez pas, hein, vous? Vous m'amusez de moins en moins, Preston. Hugues, vous m'amusez de moins en moins. Attention, pardon, je ne fais plus rien. Attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Des fleurs, on dirait. Oh, on vient de les livrer. Un gamin qui avait une casquette d'amiral, du coup, je lui ai donné 10 shillings. Oh, regardez ça, mon petit, ce que sont belles. J'en ai pas vu d'aussi belles depuis l'enterrement de cette pauvre Madame Pritchard, la mère du Preston. Comment, c'est toi? Oui, ben oui. Je suis passé ce matin devant la fleuriste, j'ai pas pu résister. Les roses rouges sont pour toi, ma chérie, naturellement. Elles te reviennent de droit. Les roses pour Mademoiselle Forçat. Et les lys. Pour qui sont les lys? Oh, pour qui sont les lys? Ils sont pour qui les lys? Pour vous, Brunelot. Et alors? Des fleurs. Et alors? On m'a acheté des fleurs, vois-moi, mais c'est comme de l'auricule, voyons, Preston. Mais voulez-vous prendre ça tout de suite? Écoutez. Vous savez bien que tous les types qui franchissent en vainqueur la ligne d'arrivée ont droit à un bouquet. Alors, estimez-vous encore heureux que je ne vous demande pas de faire un tour d'honneur? Ça pourrait se produire. Ah, Madame Grey, soyez assez aimable pour porter ces fleurs dans la chambre de Mademoiselle Forçat. Jamais, jamais je ne montrerai des fleurs à cette créature. Tout de suite, Grey. Non, jamais. D'abord, j'ai pas le temps, le canard est cuit. Eh ben le canard, on l'a assez attendu pour qu'il nous rende la politesse. Obéissez, Madame Grey, ou craignez ma colère. Dieu, Dieu qui entend tout, écoute-moi. Suspends ton dessein. Si tu avais décidé de rendre cette femelle féconde, que souffle dans sa matrice le vent glacé de la stérilité. Que ses organes deviennent plus secs que les foins de des granges. Et que si jamais elle engendre, ce soit d'un enfant de vinaigre et de fièvre. Portez ça immédiatement, Madame Grey, portez ça immédiatement. Je ne sais pas ce que je fais de vous. Je ne sais pas ce que je fais. Vous avez reconnu tout de suite. Vous en avez finiment, pardon, mais reconnu quoi? Shakespeare. Shakespeare. Le roi Lear. Quelque part dans le premier acte, Shakespeare. Vous connaissez Shakespeare, vous avez lu Shakespeare? Ah oui, bien sûr, oui, à l'université, mais vous savez, depuis le temps... Oui, ben, je vous conseille de vous y remettre. Parce que Lise adore Shakespeare. C'est une fanatique de Shakespeare. Ah, si elle n'a pas sa dose de Stratford à l'époque régulière, alors ça, elle ne va pas, c'est vrai. Ne l'écoutez pas, John. Oh. Il est exact que j'aime beaucoup Shakespeare. Oui, oui. Mais je peux aussi très bien m'en passer. D'ailleurs, je suis sûre que vous n'êtes pas du tout hostile à l'idée de passer une soirée au théâtre de temps en temps. Mais vous savez bien, Lise, qu'avec vous, j'irai n'importe où. Alors pourquoi pas au théâtre? Et puis, si je ne suis pas libre à cause d'un lit des affaires ou d'une réunion quelconque, ce qui d'ailleurs est assez fréquent, bien vous me retrouverez à la maison, voilà tout. Tu iras avec ta maman. Oui, je... Oh, bah voyons, je... bah voyons. Je voulais vous le dire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mais c'est le Vatican, mais oh. C'est vraiment ravissant. Oh, mais dites donc, mais si vous vous promenez comme ça dans les couloirs de la BBC, vous n'en sortez pas vivant, vous, hein? C'est très spécial, où avez-vous déniché ça? C'est un cadeau de mon oncle, Madame Preston. Ah, quel dommage que j'ai pas un oncle comme ça. Ah, les messieurs n'en ont pas, mon chéri. Ben, à propos, Monsieur Preston, j'ai rencontré dans les couloirs une dame, Madame Grey, je crois, qui m'a porté de votre part la plus merveilleuse gerbe de rose que j'ai jamais vue. Merci. Oui. Si Madame Preston le permet, j'aimerais vous embrasser. Je suis confus, vraiment. Vous savez, j'ai tellement peu l'habitude de ce genre de choses. J'ai ma femme, mon foyer, mes enfants, enfin... Tu permets, chérie? Oh, bien sûr. Je dois être pivoine, vraiment. Je... Vous voulez pas un demi-tarif pour la matinée? Ah, celui-là. Venez avec nous, ce sera plus franc, au moins. Allez-y, allez-y, mon enfant. Oh, dans l'oreille, encore. Oh, mes enfants. Oh, mais c'est un champ de roses que j'aurais dû vous offrir. Au fait, Madame Gray, cette Madame Gray, a-t-elle été aimable avec vous? Tout à fait sympathique. Ah bon? C'est dommage qu'elle bégait. Madame Gray ne bégait pas. Ça, je vous affirme que tout à l'heure, elle bégayait. Vous voyez, mes chéris, voyez ce qu'on arrive à faire avec un peu de fermeté. Madame Gray bégait. Retenez bien ce que je vais vous dire, John. À la plus aimante, à la plus docile, à la plus douce des femmes, il faut de temps en temps allonger un grand coup de pied dans les gencives pour la maintenir dans les voies de la perfection. Que ceci vous serve de leçon. Allez en paix, mon fils. Et maintenant, mes seigneurs, mettons les pieds au point et chargeons hardiment ce canard qui nous nargue. Chérie, si tu veux ouvrir la marche, tu montreras le chemin, mademoiselle Forsat. Si vous voulez suivre dans la foulée, vous me faites plaisir. Allons-y gaiement. Voilà. John ! Non, après vous. Oui, je sais bien, mais c'est pour changer un peu. Bon. Ah, voilà. Non, bon. Attention à la tête, oh, là, mon Dieu. C'est une femme qui essaie de retenir un homme. Bon. Ah, j'ai trouvé ça, c'est déjà ça. Ophélie au pied d'Hamlet. Non, ce serait plutôt Roméo et Juliette, voyez-vous. Bah, dites pas n'importe quoi. Ophélie et Juliette étaient des jeunes filles beaucoup trop bien élevées pour faire ce genre de truc avec un monsieur, pas du tout. À mon avis, ce serait plutôt Héloïse suppliant Abélard de lui dire quelque chose avant que sa voix monte. Oui, non? Vous avez tous perdu, ces Bérénice essayant de retenir Titus. Oui, oh, bah, Titus et Bérénice, Héloïse et Abélard, c'est un peu du même tonneau, tout ça, non? Pardon, monsieur Preston. Titus pouvait, mais ne voulait pas. Tandis que ce pauvre Abélard voulait, mais ne pouvait pas. Oh, c'est bien d'avoir le sens des nuances développées comme ça, c'est très bien. C'est parce très que vous bien. Croyez vraiment que cet Abélard a été... censuré? Ah ben, je comprends, et par un chanoine, par-dessus le marché, ce qui est comble. Bon, allez, tendez vos verres. Le temps de faire le plein et la course continue. Oh, tu trouves pas que nous avons assez joué comme ça? Sois indulgente, chérie, sois indulgente. Tu pars demain matin pour l'Italie. Et tu sais que je suis un grand vieux bébé qui s'amuse d'un rien. Merci. Soyons gais, bon Dieu. Allez, soyons gais. Que le vin déborde de nos coupes et que le rire dément ébranle les voûtes de ce tombeau, mademoiselle. C'est à vous de nous mimer quelque chose, John, je vous signale. Maintenant. Oh, vous ne voulez pas me dispenser de mon tour? Parce que je crains vraiment de ne pas avoir les qualités de comédien nécessaires à ce genre de performance. Pour vous plaisanter, comment feriez-vous alors pour piquer tout cet argent à vos clients? Oh. Je veux pas vous violer dans ces conditions, mademoiselle. Bon, je veux bien essayer. Ah oui, faut vous dévouer. Toujours prête à le voyer. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Vous êtes en train de couper quelque chose. Bravo. Vous sciez du bois, c'est une scène de Blanche-Neige. Je l'ai reconnu tout de suite, ça. Ça c'est caractéristique. Une scène de Blanche-Neige? Oui, oui. Ah bon? Elle sera en train de scier un monsieur pour en faire des nains, alors. Personnellement, j'ai jamais vu personne s'allonger pour scier du bois. Elle serait de bouche direct, c'est toi, en train de découper le canard, mais... Non, je ne l'ai pas embrassé avant de cette manière. Attendez, elle le refait. Oui, oui. Voilà. Oh, mais c'est horriblement difficile quand même, ça. Oh. Mais... Oh. Karl Marx. Oh. Non. Mais qu'est-ce qu'elle tient, là? Ah oui, qu'est-ce qu'elle tient, dedans? Un lapin? C'est Judith coupant la tête de Loferne. Oh, bravo, monsieur Preston. Un éclair. Et pourtant, c'était pas facile. Non, mais je sors et j'ai des lettres, figurez-vous. Et j'aurais pu le trouver plus vite, mais il y a un détail qui m'a choqué. Pourquoi l'avez-vous embrassé, d'abord? Pour voir s'il était vraiment endormi. Je sais pas si Judith l'a fait, mais moi, en tout cas, je l'aurais fait. Vous avez compris, John? Si vous sentez qu'on vous embrasse pendant que vous dormez, foncez droit vers la fenêtre et ne prenez même pas le temps de l'ouvrir, sautez. Eh bien, vous avez bien mérité votre verre de champagne, mon petit loup. Tenez. Alors, c'est à moi de vous mimer quelque chose, maintenant, en tant que maître de maison. Alors, je vous préviens, oui. Ça se passe de nos jours, et il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme. Un événement? Une chose, peut-être? Voulez-vous que je vous donne la réponse tout de suite? Ah, bah non. Alors... Attention. Fais. Je vous fais la chose. Elle est plus longue, mais j'ai le bras trop court. Voilà. Je vous campe le décor. Oui. Ça. Oh. Eh bien. Le dialogue des Carmélites. Vous êtes venu à terme? Je le refais. Oh. Eh bien. Non. Un martien apercevant son premier astronaute. Non, mes enfants, non, mes enfants, mes enfants. Je sais bien que vous n'avez pas le quotient intellectuel très développé, mais enfin, quand même, faites un petit effort. Regardez ce que je fais. Là, là. Oh. En tout cas, c'est toi en train de faire le sein. Oui, en bas, c'est pas une réponse. Oh, c'est trop difficile, monsieur Preston. J'abandonne. Mais moi aussi, parce que je vois vraiment pas. Vous n'êtes pas doué. Bon, écoutez, c'est le monstre du Loch Ness. Le Loch. Le Loch. Émergeant de son lac. Hop. Le 11 août 1963, vers 16h30, et voyant Lise en train de m'embrasser. Oh. Vraiment très drôle. Et d'un goût parfait. Et puis vous avez triché. J'ai triché. Bah, oui, je ne savais pas moi que Madame Preston vous avait embrassé sur les bords du Loch Ness. Ah bah tu vois chérie, je pensais que tout le monde le savait, tu vois. C'était pas la peine de casser ta meilleure lime à ongles pour graver nos initiales dans ce rocher. Mademoiselle Forsat ne le savait pas. Eh bien, puisque vous vous sentez frustrée, je vais vous faire quelque chose pour vous toute seule. Rien que pour vous. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est? Coppelia, le ballet. Vous nous cessons immédiatement de jouer à ce jeu idiot, je vais me coucher, c'est clair. Effectivement, alors effectivement, dès que la soirée s'élève un peu, toi c'est terminé. Tu préfères qu'on fasse un bridge? Ah oui, tiens, si on faisait un petit bridge. Certainement pas. Certainement pas. Non. Mais pourquoi pousser les choses au noir? Bon, enfin, nous n'avons qu'à bavarder gentiment entre nous, il n'y a pas de péril. Mais mon cher vieux, la sagesse parle par votre bouche, bavardons et buvons. Ouvrez vos corolles, tendres fleurs, voici la bienfaisante petite pluie du soir. Tu as prévu des renforts dans ce domaine, ma chérie? Il y a 4 bouteilles au frais. Oh, ben, ça devrait nous mener jusqu'à l'orgie finale. Merci. Encore un petit peu. Vous n'en voulez pas? Non, merci bien. Oui, oui, oui, mademoiselle, Morsa. Non, merci, monsieur Pascal. Un petit peu de champagne. Allez, faites-moi plaisir. Un peu de champagne. Bon, voilà. Mais je vous préviens que quand j'ai bu, je suis plus bonne à rien. Oui. Je vous dis ça à propos du petit travail pour lequel vous m'avez fait venir. Oui. J'espère que c'est pas trop difficile. Je vais vous dire une bonne chose, vous ne vous en apercevrez même pas. C'est bien ça. Madame Gray. Mais voici la délicieuse Madame Gray qui nous débarque. Puis-je vous suggérer de boire un verre de champagne à ma santé? Merci, monsieur. Pour ce qui est de la santé, vous vous débrouillez très bien tout seul. Toujours. Je venais seulement apporter ça. On vient de les livrer. J'aimerais bien savoir jusqu'à quelle heure on va en apporter. Encore des fleurs? Oui, mais celles-ci sont pour moi. Tu t'envoies des fleurs maintenant? Oui, je me sentais un peu seul, alors je me suis envoyé des fleurs. Posez-les quelque part, Madame Graine, restez pas comme une potiche comme ça. Voilà, vous êtes très aimable. Tiens, bah, pendant que vous êtes là, nous allons en profiter pour organiser le petit déjeuner de demain matin. Tiens, pour Madame, ce sera comme d'habitude. Comme d'habitude. Je suppose, un potage. Pour vous, John? Je ne prends jamais rien le matin, merci beaucoup. Un petit steak haché avec un œuf à cheval le matin, comme ça? Non, dans du café noir, non? Vous ne voulez pas, non? Comme vous voulez. Vous, mademoiselle? Oh, moi, monsieur Preston, je prends tout ce qui me tombe sous la main. Ah, bah, tiens, comme c'est vrai, je suis affligée d'un appétit indécent. Ah, vous m'avez fait peur. Bon, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Et au bacon, confiture, tartine beurrée, fromage, biscuits, fruits, je ne sais pas. Avec du café bien noir. Vous prenez du café le matin aussi? Oh, mais ça tombe admirablement. Vous avez compris, Madame Gray? Ouais. Vous avez compris? Oui. Tout ça, plus un grand pot de café noir dans la chambre de Mademoiselle Forsat, avec 2 tasses. Avec 2 tasses? Ah, vous pouvez en casser une, on ne sait jamais. Vous ajouterez une bouteille de whisky pendant que vous y serez. Une bouteille de whisky? Si vous avez un petit malaise dans la nuit, vous serez bien heureuse d'avoir un peu de whisky pour vous tamponner le front. Je dois vraiment faire tout ça, mon petit, il le faut? Oui, oui, merci, Madame Gray. Vous pouvez regagner votre case, oncle Tom. Casse peut-être, monsieur, mais en tout cas, casse d'honnête femme. Oh. Comprenne qui voudra. Oh, madame. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça en me regardant? Non, mais faites pas attention, son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. À propos, oh, une idée, qui veut encore un verre? Personne. Eh ben, on peut dire que je me suis gâté, regardez-moi. Regardez-moi. Oh, elles sont superbes. Oh, je me suis mis une petite carte avec. Oh, ça, c'est trop gentil, alors. Je m'envoie des cartes, comme ça, je m'écris des mots, puis le temps que ça me parvienne, j'ai oublié ce que j'ai écrit, alors ça me fait la surprise. On a des petites joies comme ça dans la vie, qu'est-ce que vous voulez, mon vieux? Qu'est-ce que j'ai bien pu me mettre? Oh, oh. De Hugues Preston à son vieux Hugues pour la vie. Et c'est signé Hugues. Oh, écoutez, oui. Oh, c'est trop gentil. Faudrait que je m'envoie un petit mot de remerciement, parce que vraiment, ça c'est... Ah, oh. À propos, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la corbeille à papier. Tout froissé. Vous m'avez fait beaucoup de peine, John. Mais qu'est-ce que c'est? Le petit mot que je m'étais permis de joindre à vos lices. Oh. Bonne chance, vieux frère, et à vous de tout cœur. Signé Hugues. Pourquoi avez-vous fait ça? Donia, je n'y ai pas prêté une importance énorme. Je pensais que vous aviez simplement voulu être drôle. Oui, parce que je suis un pitre. Ah non, non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous le pensez, vous le pourrez. Vous avez raison, vous avez raison. Je suis un pitre, John. D'ailleurs, Mademoiselle Forsat, qui me connaît bien, peut vous confirmer qu'il ne faut voir en moi qu'un bouffon à pointer pour distraire les sujets de notre gracieuse souveraine. Dites-le lui, sinon il va faire des complexes dans le train, je le connais comme ça. Tant pis, monsieur Preston, mais je refuse de vous considérer comme un simple bouffon. Bah, considérez-moi comme un bouffon compliqué, alors je ne sais pas. Pas davantage. Vous êtes d'une partialité révoltante. Alors, et toi, chérie? Chérie, comment me définirais-tu si tu y étais vraiment obligée? Comme un monsieur qui a beaucoup trop bu et qui ferait mieux d'aller se coucher. C'est un peu sommaire comme jugement, tu ne trouves pas? Non, John, croyez-moi, je suis un pitre. Ce qui ne résout d'ailleurs pas le problème. Mon fils pourrait vous dire qu'il y a parfois de vraies larmes dans les ricanements des clowns. Bref, ce petit mot était sincère, vous voyez. Aussi sincère que le hurlement d'un type qui vient de se faire pincer les doigts dans une porte. Mais je suis désolé. Mais je ne cherchais pas à être drôle, simplement à reconnaître les droits de Lise dans cette histoire. Voilà 15 ans qu'elle me regarde faire mes petites cabrioles, toujours les mêmes. Si maintenant elle a envie de voir autre chose, c'est sûrement beaucoup plus ma faute que la sienne. Enfin, on va projeter une ombre sur cette soirée. Allez, remettez donc ça dans votre portefeuille. Ah, parce que vous croyez vraiment que... Oui, oh, je ne dis pas que vous le regarderez tous les jours avant de vous coucher. Mais un petit coup d'œil de temps en temps me ferait plaisir. C'est promis. Dites-moi, promis, Hugues. Oui, oui, c'est promis. Promis, Hugues. Oh, écoutez, nous n'avons pas à faire. Oh non, écoutez, pas. Non, franchement, franchement, non. Et maintenant, mademoiselle Forsat, une question. Aimez-vous les rossignols? Les rossignols? Ça se mange? Elle pense qu'à bouffer, ça. Le chant du rossignol. Parce que nous en avons deux chaque jour qui entrelacent leur voix dans notre jardin d'une façon absolument délicieuse. Et c'est à peu près l'heure à laquelle ils se produisent. Ça vous plairait de les entendre? Oh oui, j'ai jamais entendu de rossignol. Ah oui, elle découvre tout, elle est mignonne. Alors venez, venez, venez. Il doit faire une nuit à s'en lécher les doigts, des parfums partout et pas la moindre guêpe. Vous prenez votre verre? Non, vous le laissez. Alors venez. Oh, écoutez, nous vous laissons une petite seconde. Vous faites le tour. Attention, attention aux marques. Vous faites attention aux marques. Vous pouvez parler, nous sommes au fond du jardin. Eh bien, voilà ce qui pourrait s'appeler un joyeux samedi. Enfin, grâce à vos rossignols, nous allons être tranquilles pendant quelques minutes. Il n'y a pas de rossignols. Pas de rossignols? Les frères siffleurs. Les frères siffleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit en réalité d'un enregistrement fait sur un petit magnétophone placé au creux d'un arbre. Il le déclenche en douce et vous écoutez ravi une des meilleures imitations des frères Stifler. Non, non, Arsenal, il s'amuse encore à faire ce genre de blague. Comme un fou, l'année dernière, il a même fait enregistrer les rugissements d'un lion. Madame Gray a failli en crever. Et vous avez pu tenir pendant 15 ans. J'ai jamais su exactement si c'était moi qui tenais ou lui qui me retenait. Vous savez, Hugues est un personnage tout à fait déconcertant. Vous croyez avoir affaire à un enfant et brusquement, vous vous trouvez en présence d'une très grande personne, très sage et très savante. Ou le contraire. Bref, vous passez votre vie à essayer de deviner ce qu'il va faire et à vous tromper. Évidemment, dans ces conditions, le temps passe vite. En tout cas, vous parlez de lui très gentiment. Mais oui, Lise, et même avec une certaine admiration. Moi, de l'admiration pour eux. Vous rêvez. Une certaine camaraderie, oui, peut-être, mais c'est tout. Espérons-le. Vous ne pensez tout de même pas que je partirai avec vous demain matin si j'avais encore le moindre attachement pour lui? Mon Dieu, ça s'est déjà vu, vous savez, ça. Ah, oui, je vois, vous faites sans doute allusion à votre troisième femme qui vous a quitté pour épouser une deuxième fois son premier mari. Merci de la comparaison. Vous m'avez dit et répété qu'elle était complètement folle. Ah non, à moitié seulement. Et je n'ai jamais fait aucune comparaison d'aucune sorte. C'est vous qui l'a fait. Je n'ai jamais dit quoi. Il m'arrive aussi de comprendre ce qu'on ne dit pas. Alors j'aimerais bien que vous vous contentiez de comprendre ce que je dis. Ça nous évitera un certain style de conversation que personnellement je trouve tout à fait désagréable. Le style de mes conversations n'avait pas l'air de vous déplaire jusqu'à présent. Dois-je en conclure? Lise que... Eh bien... Oh, John, John, ce monstre nous a envoûtés, c'est notre deuxième dispute en quelques heures. J'ai deux de trop. Oh, embrassez-moi. Embrassez-moi vite. Ne vous inquiétez pas, mon rouge à lèvres ne laisse aucune trace. Vous en êtes certaine? Pose pas ce genre de question à une femme, j'en suis certaine. Mon Dieu, il m'a encore eu. Qui ça, Hugues? Oui, vous m'avez embrassé ce matin et quand nous avons été seuls tous les deux, il m'a dit que j'avais des marques aux lèvres. Alors bien sûr, eh ben, je me suis essuyé, oh, c'est pas possible. Vous comprenez maintenant que vous n'avez pas pu le battre aux échecs? Oh, oui, je commence à le croire. Oui, vous ne voulez pas me donner un verre d'eau? Ouais. Après, si vous le voulez bien, j'irai me coucher. C'est d'ailleurs ce que j'aurais dû faire ce matin en arrivant. J'ai vieilli 10 ans en un jour ici, moi. Et moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Voilà 15 ans que je vieillis de 10 ans en un jour. Oui, alors ça fait peut-être un peu beaucoup, là. Ah, en tous les cas, vous ne le faites absolument pas. Qu'est-ce que je raconte, moi? Merci beaucoup. Merci. Quelle humiliation! Comment ça, quelle humiliation, Lise? Mademoiselle Forsyth! Non, mais vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure à Madame Gray. Un grand pot de café noir et deux tasses demain matin dans la chambre de cette créature repoussante. Ils seront tous les deux dans le même lit, John. Lui en pyjama et elle en... Oh, je ne sais quoi. Oh, j'ai vu ce matin dans sa chambre ce qu'elle appelle une chemise de nuit. Ça cache à peu près autant de choses qu'un filet à provision. Ah oui, à ce point-là? Oui, à ce point-là. Et je vous dispense de ce genre de sourire. John, mon petit bonhomme. John, je vais vous demander un grand service. Mais tout ce que vous voudrez, bien sûr. Il faut que vous lui parliez. Et c'est de quoi? De ses chemises de nuit? Alors voyons lui. Mais non, c'est à Hugues que je vous demande de parler, ne soyez pas idiot. Oh, oh pardon, John, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, mais je voudrais tellement que vous me compreniez. Oui, oh, mais je sens que ça vient, ma chérie. Et lui parler pour lui dire quoi exactement? Faites-lui comprendre qu'on ne soumet pas une femme à une épreuve aussi dégradante après 15 années de mariage. Dites-lui qu'il n'a pas humainement le droit d'aller s'exhiber dans le lit de cette petite nymphomane sous le toit conjugal. Enfin, dites-lui que nous nous fichons éperdument qu'il prenne tous les torts du divorce à sa charge. Vous êtes au-dessus de ça. Ma parole, Lise, mais je me suis trompé tout à l'heure. Vous ne parlez pas seulement de votre mari avec une certaine nostalgie. Vous en êtes jalouse. Jalouse, moi? Si ce n'est pas exactement de la jalousie, c'est en tout cas le goût de la possession. Vous ne supportez pas de voir sur la cheminée d'une autre ce qui vous a appartenu. Et alors ça, Lise, c'est extrêmement regrettable. Vous refusez d'aller parler à Hugues? Oh, mais je refuse catégoriquement. Vous avez une raison à me donner. Une excellente raison. Je souhaite tout ce que vous redoutez. Vous ne voulez pas que votre mari aille rejoindre dans son lit Mademoiselle Forsyth? Moi, je le veux. Je veux qu'il aille retrouver cette jeune et charmante personne, qu'elle soit enveloppée dans son filet à provision, ou mieux encore, qu'elle ne soit pas enveloppée du tout. Pour ne rien vous cacher, je voudrais même que vous puissiez être là, assise sur une chaise. Mais vous êtes un épouvantable sadique. Ah non, non, je suis simplement un homme qui a appris à ses dépens que la preuve la plus difficile à obtenir en ce bas monde est bien celle de l'amour. Ne comptez pas sur moi pour dédaigner la première occasion qui m'en est offerte. Bon courage, mon chéri. Voulez-vous que je vous embrasse? Cela vous donnerait peut-être des forces. Merci, je me débrouillerai seule. Hmm. Très bien, à demain. Oh, dites donc, Lise, j'y pense là. Étant donné les projets de l'équipe adverse, m'autorisez-vous à venir vous dire bonsoir tout à l'heure dans votre chambre? Oui, inutile de vous déranger, j'ai la migraine. Parfait, dans ces conditions-là, je vous demande une petite seconde. Pardon. Pourquoi faites-vous ça? Je m'étais parié 5 livres que vous auriez la migraine et je les ai gagnés. Merci, bonsoir, Lise, à demain. Ah oui, c'est dommage que tu aies raté ça, chérie, franchement. Et devine ce que Mademoiselle Forsyth a vu? Les rossignols? Vous en avez de la chance. Alors, c'est la première fois que quelqu'un les voit, vous savez. Je suis sûr que ça vous portera bonheur. C'est vrai? Mais où est donc passé notre bon vieux John des familles? Il est allé se coucher. Tu ne l'as pas retenu? Non, je me préparais même à en faire autant. La journée était fatigante et je trouve que minuit à la campagne est une heure tout à fait raisonnable pour aller dormir. C'est pas votre avis, Mademoiselle Forsyth? Oh, moi, j'ai jamais sommeil, Madame Preston. Quand je vais me coucher, c'est rarement pour dormir. Oui, enfin. J'adore lire. Oui, mais de toute façon, il n'est pas question que vous alliez vous coucher maintenant. Parce que maintenant, j'ai besoin de vous. Ah bon? Dans ces conditions, je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, Mademoiselle Forsyth. Bonsoir, Madame Preston. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Et maintenant, Mademoiselle Forsyth, à nous deux. Nous allons boire un petit peu de champagne pour commencer. Est-il essentiel que je comprenne tout ce que vous allez me dire, Monsieur Preston? Ah, je souhaite même que vous le compreniez à demi-mot, oui. Alors, pas de champagne, merci. Oui. Vous permettez que j'en prenne un verre, c'est ma coupe, je ne sais plus, non, c'est celle-là. Voilà. Oh, c'est pas que ce soit tellement compliqué, remarquez bien, mais comme je ne vous ai jamais encore rien demandé de semblable, il se peut que ça vous surprenne un peu. Voilà. Pour bien situer le problème, je dois d'abord vous informer que j'ai décidé de dormir cette nuit dans la chambre qui est juste à côté de la vôtre. C'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance. C'est noté, monsieur Preston. Mais vous savez, j'aimerais bien aussi que vous cessiez d'être un instant cet élixir de secrétaire dont je me régale à la BBC pour rester simplement une jolie fille. Pensez-vous que ce soit possible? Ah, ça dépend si c'est mademoiselle Forsythe que vous avez invitée ou si c'est Patty Pat. C'est Patty Pat, c'est Patty Pat. Je ne pouvais perdre du monde, mademoiselle Forsythe. Parfait. Voilà. Ah bon. Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, d'accord. Alors, je vous écoute, Hugues. Voilà. Donc, vous disiez que vous aviez l'intention de passer la nuit dans la chambre voisine de la mienne. Très exactement. Et alors, il y a entre les deux chambres, une porte. Ce qu'on appelle une porte de communication. Que je vous serai reconnaissant de ne pas fermer au verrou quand vous irez vous coucher. Claustrophobie? Non, mais je commence à être un peu trop gros pour passer par le trou de la serrure. Est-il dans vos intentions de me faire une petite visite de politesse? Eh ben, ce sont des choses qui se font à la campagne entre voisins. Faut conserver les usages locaux comme ça. Non, non, non, mais toute blague mise à part, vous pouvez me rendre un grand service. J'en doute pas, mais est-ce que vous pourriez me donner quelques éclaircissements là-dessus, Hugues? Mais je vais tout vous dire, y a rien à vous cacher. Voilà, j'ai décidé de demander le divorce. Mais je voudrais faire les choses avec une certaine élégance. J'ai donc également décidé de prendre les torts à mon compte. Je suis sûr que vous devinez la suite. Oui. Vous avez mis sur pied un superbe flagrant délit d'adultère à l'intention de Madame Gray. Ah. Et c'est ici que j'interviens. Et voilà. Mais pour vous dire toute la vérité, ma femme n'est pas absolument d'accord sur le principe. Non, non. Elle aurait préféré que j'aille faire ça à Brighton avec une poule de bar. Oh, c'est tellement vulgaire. N'est-ce pas? Et puis, pourquoi diable un type irait-il aux bains municipaux quand il dispose d'une piscine privée en forme de cœur? Ce serait de la folie. Vous n'avez pas envie d'un peu de champagne, non? Non, non, merci. Bien entendu, tout ça ne manquera pas de faire un certain bruit. Comme disent les journalistes, il y aura les retombées. Ah, fatalement. Il me sera sûrement très difficile après, par exemple, de vous garder près de moi comme secrétaire. Oh, j'aurais jamais pensé à ça toute seule. Mais oui, c'est pourquoi je me suis permis d'y penser à votre place. Alors je vous pose la question, seriez-vous hostile à l'idée de vous éloigner de moi dans le sens de la hauteur? Dans le sens de la hauteur? Oui, parce que mon vieux copain Spalding du service des informations vient justement de perdre sa secrétaire. Jeannette Nicholson? Eh oui. Il lui est arrivé quelque chose? Oh, la pauvre. Ouh. Oh, la pauvre. Du côté de Margate, où elle passait ses vacances, un fou qui circulait au volant d'une Maserati. Il paraît que ça a été réglé en 5 minutes. Il l'a renversé. Ben, c'est ce qu'elle a l'air de dire dans sa lettre de démission. Elle parle d'un mariage imminent. Enfin, la place est à prendre. Et si vous avez le courage de vous arracher à moi, je vous conseille vivement de sauter dessus. Encore faudrait-il que M. Spalding soit d'accord. Il ne m'a vu qu'une seule fois. C'est amplement suffisant. Je ne sais pas quoi vous dire, Hugues. Vous savez, ce me serait un vrai crève-cœur de me séparer de vous. Ben, je me mets à votre place. Enfin, si vous pensez que c'est nécessaire. Il le faut, mon tout petit. Bon. Je le ferai. Oh, vous êtes mignonne. Oh. Alors, Pardon. À tout à l'heure, c'est Hugues. Ça, mais oui. À demain matin, plutôt. À 7h30. C'est ça? Oui, bah, j'aimais bien la première proposition aussi, remarquez. Parce que, à 7h30, espérons-le, non, je me demande brusquement si je vais être capable de me réveiller à temps. C'est que je me connais, vous savez, j'ai un sommeil tellement bizarre. Et si Madame Gray ne me trouve pas dans votre lit quand elle apportera le petit déjeuner, ça flanque tout par terre. Et vous voilà obligé de courir jusqu'à Brighton. Eh oui, mais non seulement ça, imaginez que Lise vienne rôder cette nuit dans le couloir et qu'elle m'entende ronfler paisiblement dans la chambre d'amis. Eh bien? Ah ben, ça ferait pas mon affaire non plus. Ce qui ferait votre affaire, en fait, c'est qu'elle vous trouve paisiblement en train de ronfler dans ma chambre. Alors ça, ce serait l'idéal, bien sûr. Vous ronflez vraiment très fort? Ça dépend si je dors ou pas. Quand vous dormez? Oh, ça peut aller. Vous aurez simplement l'impression de faire la traversée Douvres-Calais par temps de brouillard. C'est tout. Ah, tout de même. Eh oui, mais en revanche, si vous vous mettez à siffler, je m'arrête tout de suite. Résultat que vous n'obtiendrez jamais avec un paquebot. L'ennui, c'est que je ne sais pas siffler. Allons donc. Enfin, je trouverai autre chose. Mais voyons. Alors, à tout à l'heure, Hugues. C'est gentil, ça. Oh! Oui. Vous pouvez apporter un petit peu de champagne, à tout hasard. Vous cherchez à gagner du temps? Bonne nuit, mademoiselle Forsythe. Bonsoir, madame Preston. Bonsoir, Hugues. Bonsoir, Patterson. Tu avais oublié quelque chose? Ah oui, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes chèques de voyage. Oh, ben zut alors! Oh, ça alors! Ah, c'est pas bien de ne pas savoir ce qu'on a fait de ses chèques de voyage. Ah, prendre une petite... un petit verre comme ça. Peut-être me prendre des petites cacahuètes, parce que... quand on a un petit creux dans la nuit, c'est pas bon. Voilà. J'ai mes petits gâteaux, mes petites cacahuètes. Ouais. Oh, mes fleurs. Oh, ben écoute, je m'envoie des fleurs et je les oublie, c'est pas raisonnable. Où est-ce la tête, vraiment? Oh, elles sont belles, hein? Ah oui, ils font des arrangements formidables. Pour les fleurs, parce que pour les prix, ils font moins d'arrangements. Enfin... allons-y gaiement. Ah oui. Tu répètes quelque chose pour un galade bienfaisant? Non, je voudrais sortir, simplement. Tu n'as pas une idée? Aucune. Non? Mais mademoiselle Forsyth t'en aurait certainement une. En attendant, tu pourrais laisser ton bouquet, tu es largement assez ridicule sans lui. Oui, mais je tiens beaucoup à l'emporter. Tu n'as qu'à le tenir entre tes dents. Oui, tu crois pas qu'il serait plus simple que tu m'ouvres, non? Tu ne veux pas aussi que je te précède avec un flambeau? Ah, tu es gentille, ma chérie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne-moi ce plateau, j'ai... Ah bah non! Donne-moi ce plateau! Ah bah non! Deux minutes, ah bah mes fleurs! Ah bah elle m'a abîmé toutes mes fleurs! J'avais des petits boutons, elle m'a tout crevé mes petits boutons! Mais c'est un abominable menteur, Hugues! Tu m'avais dit que tu n'irais dans la chambre de cette fille que demain matin! Non, c'est pas vrai, rien du tout, c'est pas vrai! Je t'ai dit que j'y serais demain matin, je t'ai pas dit quand j'irais! Si ce détail présentait pour toi la moindre importance, il fallait penser à m'en parler plus tôt, ma chérie. Pour le moment, mille pardons! Mais j'ai des engagements à remplir. Oh, des engagements? Dis aussi que ça t'embête d'aller rejoindre cette fille. Ça me tracasse, en tout cas. Ça me rappelle un peu la fête du collège de Dick l'année dernière, quand on m'a fourré d'office dans l'équipe des parents d'élèves pour jouer le match de foot contre les juniors. Je m'en souviens, quelle journée. Oh, tu avais quand même marqué deux buts. Bah oui, mais c'était l'année dernière. Puis là, il n'y aura personne pour m'encourager. Enfin, allons-y, ça n'a pas d'importance. Je me débrouillerai. Tu vas te couvrir de ridicule, tu pourrais être son père. Ce serait sûrement plus reposant, mais que veux-tu, elle en a déjà un. Et puis je vois pas à quoi rime ce genre de conversation. Tu fous le camp demain matin avec Brunelow, non? Je ne fous pas le camp avec Brunelow, je pars avec l'homme que j'aime. Il y a vraiment que toi qui puisse faire la différence, ma chérie. Allons-y, mon Hugues. Tu n'as pas le droit de faire ça, Hugues. Écoute, chérie. Pense à tout ce qui était entre nous. Notre première rencontre à cette vente de charité. Ah bon, notre premier baiser sur le quai de la gare de Sampton. Celui sur le bord du Loch Ness. Nos fiançailles, nos voyages de noces. Enfin, tout. Oh. Tu peux quand même respecter nos souvenirs, non? Puisque nous devons nous séparer, que ce soit au moins dans un climat d'estime réciproque et de dignité. Alors, ma chérie, je vais te dire, toi, tes souvenirs réciproques et ta dignité, vous pouvez tous aller vous faire cuire ce que j'appelle un œuf. Ouvre-moi cette porte. Hugues ! Ouvre cette porte, Lise ! Cette pauvre mademoiselle Forsyth doit être en train de gratter son oreiller en gémissant. Ouvre-moi cette porte. Tu ne rejoindras pas cette fille. Bon, alors renonce à Brunelow et je renonce à elle. Jamais ! Alors, elle s'est cassée de... Bon, alors ouvre la porte. Ouvre, non, ouvre la porte, Lise. Oh, ne me pousse pas. Ouvre cette porte ou je te poche un œil, je te préviens. Ouvre cette porte. Tu sais? Eh ben, vas-y. Oh, faut pas me pousser, hein. Oh, ouais. Tu sais, oh. Oh, pas de ça avec moi. Oh, pas de ça avec moi. Qu'est-ce que tu attends? Et alors? Ben, vas-y, maintenant. Non, mais je sais quelque chose là. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé aussi dans ça? Oh, ah. Non. Alors, attendez, je prends le plateau pour le porter dans la chambre de mademoiselle Forsyth. Je monte l'escalier, j'arrive sur le palier du premier, et qu'est-ce que je vois sur le palier du premier? Qu'est-ce que je vois sur le palier du premier? L'horloge qui marche. Mais je m'en fiche de l'horloge. Quoi? Une horloge qui marchait plus depuis 3 mois, qui se remet brusquement à marcher, vous vous en fichez? Mais c'est un signe, mon petit. Attendez seulement que j'arrive sur le palier du second, vous allez voir. Vous frappez à la porte de mademoiselle Forsyth, vous entrez. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Mon mari et mademoiselle Forsyth assis dans le lit, lui en pyjama et elle en chemise de nuit transparent. Dites, mon petit, c'est vous qui racontez ou c'est moi? Et il la tenait par le cou. Puisque c'est ça, je vous dirai plus rien. Par le cou? Oh, je sais pas par où il la tenait, hein. Mais ça, il la tenait bien. On aurait pas fait passer un courant d'air entre eux. C'est bien ça, j'ai failli lâcher mon plateau. Il avait l'air heureux. Oh, comme un chat devant un bol de crème. Oui, misérable. Mais écoutez, mon petit, c'est pas le moment de rester assise un temps pareil. Il s'agit de vous secouer. Chez nous, en Irlande, c'est à coup de fusil qu'on règle ce genre de problème. Bon, ben voilà, nous sommes dans la banlieue de Londres. Alors tant pis, il vivra. J'espère au moins que vous allez divorcer. Oui, madame Gray, je divorce. Oh, eh ben au moins, c'est déjà quelque chose. Et attendez que j'aille témoigner devant le juge. Il en aura pour toute sa vie. sa vie à cracher ses dents, votre monsieur Preston. C'est moi qui vous le dis. Oh, ce n'est pas entièrement de sa faute, madame Gray. Je suis largement aussi coupable que lui. Mon pauvre agneau. J'ai un amant. Vous? Vous savez pas ce que c'est? Je suis la maîtresse de monsieur Brownlow depuis 3 mois. Et je pars avec lui tout à l'heure pour l'Italie. Si vous ne me croyez pas, montez dans ma chambre, les valises sont prêtes. Alors c'est vrai? Oui, madame Gray, c'est vrai. Oh! Oh, ben ça, là! Oh! Oh, ben quand monsieur va savoir ça! C'est fait depuis avant-hier soir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait venir sa secrétaire, pour que vous les surpreniez tous les deux dans le même lit et que le divorce soit prononcé à 7 heures. Monsieur Preston a fait ça? Oui, il a fait ça, il s'est dévoué. Mais c'est un saint, cet homme-là. Il ne s'en faut que de l'épaisseur de la chemise de nuit de mademoiselle Forsythe. De quoi rien. Oh, ça alors. Quand je pense que tout à l'heure, quand je vous ai vu comme ça habillé de si grand matin, j'ai cru que c'était pour aller à la messe. Eh ben, que c'est que de nous quand même, hein. Tiens, la voilà votre messe. Quand on parle du loup. Pardon. Oh, ah, c'est vous le loup, John. Ah. Je viens de dire la vérité à madame Gray. Maintenant, je me sens mieux. C'est le principal. Bonjour, Lise. Vous m'en voulez? J'avoue, j'aurais souhaité avec vous un départ un peu plus poétique, un peu moins officiel. Mais puisque vous avez jugé bon d'en informer aussi madame Gray, dans ces conditions-là, je m'inclie. Mais il n'y avait qu'elle qui ne le savait pas. Oh, je reconnais que c'était profondément injuste, ça, alors. Tu sais quoi, monsieur, je fais presque partie de la famille. Ah bon? J'ai élevé les enfants, pour ainsi dire. Je les ai veillés, dorlotés, lavés, promenés. Oui, elle me les a laissés faire, mais c'est tout. C'est monsieur Gray qui a donné sa première trompette à Dick. Oh, les pauvres petits, quand ils vont apprendre ça, ils vont être bouleversés. Soit évidemment, toujours les innocents qui payent. Avouez quand même que c'est dégoûtant, les hommes. Justement, voilà. Voilà, on n'a pas encore trouvé moyen de les remplacer. Tenez, moi qui suis allée épouser ce va-nu-pied de monsieur Gray, qui s'est trompé d'église le jour du mariage tellement il était sous. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Quand on aime, on ne choisit pas. Oh, ne vous inquiétez pas, madame Gray, je suis sûre que tout ira très bien entre monsieur Brownlow et moi. Je vous promets de ne pas me tromper d'église, madame Gray. Ouais. En tout cas, faites bien attention, c'est qu'elle est fragile, vous savez. Mais pas du tout. Ah ben alors dans le temps, monsieur l'appelait sa petite lampe en verre de Venise, alors vous pensez? Madame Gray, ce genre de confidence n'intéresse pas du tout monsieur Brownlow. Mais bien sûr que si que ça l'intéresse. C'est pas toujours facile une femme en voyage, surtout la première fois, quand on n'est pas encore au courant de ses petites particularités. Je le mettrai au courant moi-même de mes petites particularités. Oui, de toute manière, j'ai déjà voyagé 2 ou 3 fois avec des dames, madame Gray, et je les ai toujours ramenées vivantes. Vous voilà rassurée. Oh, pas tellement. Et si elle tombe? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Si elle tombe? Ouais. Comment ça, vous tombez? Mais non, je ne tombe pas. Pourquoi voulez-vous que je tombe? Mais vous êtes peut-être pas tombé l'autre fois que vous êtes allé retrouver monsieur Preston dans la BBC. L'autre fois, mais il y a 11 ans de cela. C'était tout de suite après la naissance de Sheila. Ah ben, c'est bien ce que je dis, vous tombez. Non. Ce qu'il lui faut avant tout, c'est du repos. 10 bonnes heures de lit par jour. Et quand je dis lit, je me comprends. Oh, je vous en prie, madame Gray. Pas de veille prolongée, pas d'émotions fortes, bref, pas de fatigue inutile. Oh. Et la nourriture? Ah oh ben, je pensais pas à la nourriture. Oui. C'est très très important, la nourriture. Je serai nourrie. Oui, j'ai fait un forfait. Oui, nourrie, oui, mais comment? C'est que le docteur Fleming est formel, hein. Ni graisse, ni féculent, ni farineux. Et avec ça, il l'emmène en Italie. Mais c'est en Suède qu'il aurait fallu l'emmener. Bon, eh bien, il se trouve malheureusement que Milan, Florence et Venise ont été construites en Italie. Croyez bien, j'en regrette, madame Gray. Bon, enfin, en prenant des précautions, je suis sûre que tout ira à peu près bien. Oh, j'oubliais. Mettez-la bien à l'ombre, elle supporte pas la grosse chaleur. Bon ben, bon voyage, mon pauvre agneau. Je prierai pour vous. Pour vous aussi, monsieur Brownlow. Vous êtes catholique, naturellement. Végétarien, madame Gray. Oh, enfin, j'espère que ça marchera quand même. Hey, j'aurais dû noter tout ça. Oh, je suis navrée, John. Vous qui rêviez d'un enlèvement, vous allez avoir l'impression de convoyer une malheureuse infirme. Non, ce n'est pas grave. Tout le monde a ses petits ennuis de santé. Mais je n'ai aucun ennui de santé. C'est madame Gray qui est folle. Pourquoi me regardez-vous avec cet air atterré? Je suis mauvaise mine? Ah non, pas du tout, absolument pas, mon chéri. Seulement, je vous trouve un petit peu palote malgré tout. Je n'ai pas dormi de la nuit. Eh bien, soyez tranquille, l'Italie aura vite fait de vous retaper. Retaper? Non. De vous remettre d'aplomb, si vous préférez. Bref, nous avons tous les deux besoin de vacances, et bien, nous allons nous en offrir, et je vous promets qu'elles seront très belles. Et nous prendrons certaines petites précautions, voilà tout. Écoutez-moi soigneusement, John. Je ne pars pas en convalescence sous la surveillance du docteur Brownlow. Je pars pour l'Italie avec mon amant. Mais certainement, mon chéri, mais bien sûr. Mais ça n'empêche pas de prendre certaines petites précautions. Et je ne prendrai aucune précaution. Ah, d'accord. Je resterai au soleil pendant des heures sur la plage. Je me bourrerai de spaghettis et de pizza. Je mangerai, je boirai du Chianti jusqu'à 5 heures du matin et je changerai la commode de place tous les jours si ça me plaît. Mais vous serez malade. Eh bien, vous me soignerez, vous mettrez une blouse blanche, vous installerez à mon chevet avec un thermomètre dans la poche. Ça vous apprendra à enlever une vieille dame hors d'usage. Mais je n'ai jamais dit ça. Fichez-moi la paix, vous ne voyez donc pas que je n'en peux plus. Mais que vous ai-je fait? Mais voyons, Lise, qu'avez-vous? Mais c'est le fait que votre mari ait passé la nuit dans le lit de Mademoiselle Forsythe qui vous met dans un état pareil? Vous le saviez? Mais la chambre de cette jeune personne se situait juste au-dessus de la mienne et je les ai entendus rire pendant un bon moment. Il riait! Non, j'ai beau avoir une certaine espèce de l'illogisme des femmes, ma chère Lise, j'avoue que le vôtre me stupéfie. Mais enfin, voilà un homme qui, à vous entendre, a fait de votre vie conjugale un enfer. Un mari détesté dont vous avez été livré pour toujours dans moins d'une demi-heure. Et vous vous mettez à sangloter parce qu'il a passé la nuit dans les bras d'une jolie fille? Jolie? Elle est hideuse. Ah oui, soyez raisonnable. Bon. Je vous dis qu'elle est hideuse, vous n'y connaissez rien. Oui, c'est pas très flatteur pour vous ce que vous dites là. Non, si vous vous mêlez d'avoir de l'esprit, vous aussi, j'aime mieux rentrer tout de suite dans un asile. Mais enfin, voyons, Lise, soyez logique. La chose était convenue entre votre mari et vous, n'est-ce pas? Alors, de quoi vous plaignez-vous? Il devait simplement venir le matin dans la chambre de cette fille. Oui. Et s'asseoir sur son lit pendant 2 minutes, juste le temps de se faire surprendre par Madame Gray. Oui. Il y passe toute la nuit avec une bouteille de champagne, un plateau de petits fours. Il n'en est pas sorti. Il y a 9h du matin et vous me demandez de quoi je me plains? Parfaitement. Vous semblez oublier que je suis sa femme. Mais vous semblez oublier, vous, que vous allez devenir la mienne. Ah oui, c'est vrai. Oh, je ne sais plus où j'en suis, moi. Alors, je vois qu'il est temps que je reprenne les choses en main. Soyez tranquille, ma chérie. L'Italie aura vite fait de vous mettre parfaitement d'aplomb. Dites-moi, passons aux choses sérieuses. Vos bagages sont prêts? Je n'ai plus que ma trousse de toilette à terminer. Oui, parfait. Ben, vous devriez le faire tout de suite. Voyez-vous, l'important, c'est de partir d'ici le plus vite possible. On ne doit pas attendre. Il ne faut pas. Bonjour, les tourtereaux. Ça va? Belle journée pour voyager, hein? Oh, écoute, j'ai ouvert mes volets tout à l'heure, j'ai vu ce soleil, je me suis dit, oh, ben, ils vont être bien. J'ai été content, c'est vrai? Bien dormi, John? Très bien, merci. Toi aussi, ma chérie? Admirablement, je ne te demande pas comment s'est passée la nuit, j'imagine qu'elle a été merveilleuse. La plupart des objectifs ont été atteints, mission accomplie. Madame Green t'a pas fait son rapport? Si, elle me l'a fait. Alors, dans ces conditions, tu sais que tu peux partir la conscience tranquille, c'est le principal. Et bravo, bravo pour ton petit ensemble de voyage, c'est une réussite, c'est très bien. C'est la première fois que tu le portes, hein? Oui. Oui, c'est une bonne occasion, ma chérie. Une inauguration, John. J'espère que vous prononcerez quelques mots le moment venu. Tes valises sont prêtes, tu n'as rien oublié. Linge de corps, dessous, bas, séchoir électrique, crème diverse, pince à épiler, robe du matin, de l'après-midi, du soir, robe de chambre, chemise de nuit, chemisier, écharpe, mouchoir, parfum, grande crin, bonnette douche, Kleenex, tout y est, ça va. Tout. Ah bah, c'est une liste que j'avais apprise par cœur. Je vous la passerai, vous verrez. On obtient des résultats très positifs, c'est vrai. La dernière fois, elle avait oublié que les clés des valises, hein, ma chérie. Comment aurais-je pu rester ta femme pendant 15 ans si je n'étais pas un peu idiote? Oula. Vous avez entendu? C'est qu'elle a une méchante droite, hein. Je commence à me demander si ça va être une rencontre bien équilibrée, vous deux. Je me demande, oui, ça. Oui, ne vous inquiétez pas de ça. Vous avez la technique, d'accord, mais attention, elle a le punch. Enfin, que le meilleur gagne, vous savez ce qu'on dit. Vos bagages sont prêts, tout est empaqueté. Vous n'avez pas oublié votre brosse à dents? Mais mon cher Preston, je n'ai pas l'habitude d'oublier ma brosse à dents. Mon cher, l'homme est un animal pensant qui ne pense jamais à prendre sa brosse à dents. Tous les directeurs vous le diront. Les directeurs d'hôtel vous le diront. Ça ne serait pas grave, remarquez bien, vous la mettrez de côté, vous la prendriez en retour, mais enfin... Comment? Mais vous buvez du whisky à 9h du matin? D'une part, je bois du whisky quand je vais, d'autre part, il est 9h20. Voilà. Bon, à propos de brosse à dents que je vous raconte, je revenais de Nice il n'y a pas très longtemps, je revenais de Nice en wagon couchette, et en ouvrant un œil du côté de la roche, je vois le type de la couchette du dessous qui se lavait les dents avec la mienne, avec ma brosse à dents. Alors je lui dis, dites donc, Coco, c'est ma brosse à dents. Alors il me fait, ah pardon, je croyais que c'était celle des chemins de fer. Je croyais que c'était la brosse à dents des chemins de fer. Vous croyez qu'il y avait une brosse à dents commune pour... J'ai pas de chance avec vous, hein. Ça vous plaît pas non plus? Bah, c'est tout ce que j'ai à vous offrir comme histoire de brosse à dents. Je suis désolé, j'aurais tellement voulu vous voir partir dans un grand éclat de rire. Tant pis, n'en parlons plus. C'est comme ça. Oh, oh, oh. Émouvante et capiteuse enfant, soyez la bienvenue. Vous avez déjà dévoré cet énorme petit déjeuner. Jusqu'à la dernière miette. Bah, dis donc. Bonjour, monsieur Brunner. Mademoiselle Forsythe, bien dormi? Compte tenu des circonstances, pas mal, merci. Très bien. Madame Preston n'est pas encore descendue? Descendue et remontée, notre ami John n'attend plus qu'elle pour prendre le départ. Elle est au courant? Elle est au courant, Madame Gray a fonctionné, je dois dire, admirablement. Elle doit être très fâchée contre moi. Si vous aviez l'intention de la taper pour une tombola, je vous conseillerais d'attendre un peu. Mais à part ça, je ne pense pas que vos jours soient réellement en danger. Ça résume à peu près la situation, John. Très exactement. N'est-ce pas, voilà. Je suis désolée. Ben, vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour Madame Preston. Oui, ben, je ne sais pas si c'est le moment rêvé pour le lui dire. Bon, eh ben, je vais finir de m'habiller. Je vous emmène à la gare, voilà. Alors je lui dis, dites donc, Coco, c'est ma brosse à dents. Alors il me fait, ah ben pardon, je croyais que c'était celle du pigeon. Je lui dis, mais de toute manière, l'infirmière n'a pas essuyé le pigeon avec ma brosse à dents. Les deux. Même mélanger les deux, ça vous en est pas. Consultez. Dites-moi, vous partez vous aussi ce matin pour l'Italie, mademoiselle? Non, seulement demain. Ah bon, demain? Je n'ai pas trouvé de couchette dans le train de nuit et j'ai horreur de l'avion. Ah oui, c'est curieux. Vous donnez pourtant l'impression d'être tout à fait acquise aux conceptions les plus modernes de notre époque. Est-ce qu'il n'y aurait pas là comme une sorte de blâme, monsieur Brunneau? Vous aurais-je scandalisé sans m'en apercevoir? Déconcerté, en tout cas. Parce que j'ai reçu monsieur Preston cette nuit dans ma chambre? Mon Dieu, oui. Avouez que c'est tout de même un peu surprenant, non? Je suppose que quand madame Preston vous rendait visite, vous la receviez sur le palier. Ah, pardon, c'est pas du tout la même chose. Je vais épouser madame Preston. Oh, je sais. Vous avez la manie d'épouser. Comment? Vous donnez votre nom à vos maîtresses. Moi, je ne donne à mes amants que mon prénom. Ceci dit, où est la différence? Elle est là, justement. Le mariage est une institution hautement respectable, vous ne croyez pas? Oh, c'est vous qui ne le croyez pas, monsieur Brunneau. Pardon? Personnellement, je respecte le mariage au point que je n'y toucherai pour rien au monde. Tandis que vous, vous lui donnez à peu près l'importance d'une gomme à effacer. J'épouse, donc il n'y a plus de faute. Mais vous savez ce que vous êtes en réalité? Non, mais vous allez me le dire. Un amant. Un amant? Parfaitement. Un amant qui s'ignore, malheureusement, c'est tout votre drame. Ah, parce que d'après vous, il y a des hommes qui naissent mari et d'autres qui naissent amant. Enfin, c'est évident. Simple question de tempérament. Et dites-moi, dans votre système, dans quelle catégorie est-ce que vous placez Hugh Preston? Un mari? Un vrai mari? Ah, parce qu'un vrai mari est un mari qui trompe sa femme. Oui! Ah bon? Mais en pensant à elle. Tiens, et un amant? En pensant à lui. Ma parole, mais je me demande ce qu'on attend pour vous confier à la direction d'un magazine spécialisé dans les problèmes du cœur. Fondez le magazine et téléphonez-moi. Mais je vais vous dire, mais pourquoi pas? Cunningham 3113. Le matin avant 9h, le soir après 18h. C'est noté. Merci, mademoiselle Forsythe. On m'appelle Patty Pat. Oui, oh, je n'aime pas beaucoup Patty Pat. Vous préférez Patricia? De beaucoup. Merci, Patricia. Passez de bonnes vacances et soyez à peu près sage. Hein? Vous aussi, John. Et ne vous mariez pas trop. Qu'est-ce que vous avez mis? Miséricorde, vous êtes encore là. Vous allez finir par rater le train, moi je vous le dis. Hein. Je serai prête dans 5 minutes. Ben oui, mais dépêchez-vous. Quand on vous laisse les coussins, vous êtes gentil. Ma femme, ça suffit, les coussins, vous laissez. Décidément, vous avez le chic pour détourner les femmes de leur devoir, vous. Hein. Monsieur Preston, oui. Si par hasard madame Preston descendait avant que je ne revienne, voulez-vous avoir la gentillesse de lui dire un petit mot pour moi? Je sais pas, moi, n'importe quoi, qu'elle ne garde pas une trop mauvaise impression. Non, non, tu dirais que vous êtes noyé dans la baignoire, elle va beaucoup aimer ça. Vous êtes parti par les canalisations, on va arranger ça. Alors, mon grand, des soucis? Non, pourquoi? Mais je sais pas. Vous donnez l'impression d'un type qui s'apprêterait à sauter en parachute avant d'avoir pu lire jusqu'au bout la notice explicative, c'est vrai? C'est votre départ avec Lise qui vous pose des problèmes? Non, certainement pas. Oh, vous m'étonnez. Pourtant, dès qu'on part avec une femme, on part avec un problème, c'est l'évidence même. Oh, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous qui venez d'en rater 3 à la file, hein? Ça vous impressionne pas, ça? Pas le moins du monde. Dites donc, vous avez des nerfs, l'acier, hein? Je commence à croire qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre système, malgré tout. Ça s'est passé comment, au juste, avec les autres? Vous ne m'avez jamais dit. Ce sont elles qui ont mis les bouts ou c'est vous qui les avez larguées? Mais ni l'un ni l'autre, mes 3 divorces ont été obtenus par consentement réciproque. Oh, une sorte de phénomène de rejet mutuel, en quelque sorte. Je vous cache pas que ça m'ennuie. Ça m'ennuie, enfin, pas pour vous, vous êtes grand garçon, mais ça m'ennuie un peu pour Lise. Je serais navré d'apprendre dans 2 ou 3 ans que la dernière en date des épouses, Brunlo, est allée rejoindre les autres dans le placard. Hein? C'est qu'elle n'a pas été... Elle n'a pas été bien, bien heureuse jusqu'à présent. Il faudra être gentil, hein, mon grand. Mais franchement, Preston, vous ne trouvez pas ce genre de recommandation de vous à moi parfaitement ridicule? Enfin, voyons, Lise, elle est vraiment choisie entre vous et moi. Et elle est majeure, que je sache. Tout à fait entre nous, oui, mais ne le lui dites pas trop parce que je suis pas sûr qu'elle soit au courant. Jack ? Oui ? Monsieur Gratto, que vous fermiez les valises pour les descendre dans la voiture. Oh, je vous demande pardon, Lise, je suis désolé, j'étais distrait, j'en ai exactement pour 5 minutes, pas plus. Mais décidément, vous avez une mine de papier mâché, je n'aime pas ça du tout, Lise. Oh. De quoi je me mêle, qu'est-ce que... Il n'écoute pas, monsieur, il n'écoute pas. Le type n'a jamais mâché de papier de sa vie, c'est évident. Il parle par oui dire. Quoi, tu es un petit peu pâle. Ça me va très bien, d'ailleurs, ça me donne un petit côté porcelaine chinoise tout à fait émouvant. Et ton ensemble de voyage est une vraie réussite. C'est de Florence Weil, hein? Oui. Ah oui, je l'ai reconnu tout de suite. Nous l'avions choisi ensemble. C'est vrai. Mais oui. Nous avons toujours tout choisi ensemble, d'ailleurs. Depuis la maison jusqu'à mes cravates. Tout sauf Brunelot, mais Brunelot, c'est personnel, ça c'est pas... À quoi ça sert de remuer tout ça? Oh, ça sert à rien, cette histoire de remuer. Quand vas-tu parler aux enfants? Dès leur retour de vacances, ça presse pas. Tu connais Dick, il va sûrement mettre ça en musique et me jouer. Ah, elle est partie, maman! Ah, maman! Elle est partie, maman! Il va me faire une chose comme ça, tel que je le connais. Quand tu leur parleras, ne sois pas trop méchant pour moi. Mais je t'ai dit que je prendrais tous les torts à mon compte. Je reviens pas sur ce que j'ai dit. Je sais. Tu as même déjà commencé cette nuit. Comment ça? Avec Mademoiselle Forsythe. Comment as-tu pu faire une chose pareille dans notre maison, sur ma tête? Non, pardon, sur la tête de Brunelot, puis dis donc. J'avais ton accord. Tu manges, j'ai tout fait pour t'en empêcher. Oui, tout sauf ce qu'il fallait faire, tout sauf d'annoncer à Brunelot. Et pour les autres? Quoi, les autres? Toutes les autres. Est-ce que tu avais mon accord? Est-ce que tu y avais renoncé? Hélène, Ingrid, Betty, Marussia, Nathalie, Grace, Carlotta. Ah, c'est toi qui m'avais fauché mon agenda. Tu veux dire ton annuaire? Oui, c'était moi, je ne te l'avais pas fauché. Je l'avais trouvé dans ta voiture en brossant les coussins. En tout cas, elle m'a ouvert les yeux. J'en avais besoin. Parce que figure-toi que j'y croyais, moi, tes fameuses réunions de travail au cours desquelles il ne fallait surtout pas te déranger. Oh, mais il y en avait quand même un certain nombre de vrais, faut pas exagérer. Ah oui, regarde-moi en face et dis-moi un chiffre. Oh, mais je te regarde en face et je te le dis, ça ne me fait pas peur, tu sais. Il y en avait 20% au bas mot. Et si tu ajoutes à ça 25% de déception, 50% de remords et 15% de lapin... Ça fait 110%. Ah oui, d'accord. Bref, finalement, c'est toi qui en es ta poche, mon pauvre chéri. Écoute, Lise, je cherche pas à t'attendrir sur mon sort. J'ai sûrement été très coupable envers toi, croyez-le ou non, j'en suis navré. Cela dit, faut pas t'imaginer non plus que c'est toujours une partie de plaisir que de tromper la femme qu'on aime. Surtout quand on aime une femme comme toi, la plupart du temps, c'est même assez pénible. En somme, tu t'es sacrifié. En tout cas, je pourrais te jurer que je n'ai jamais été heureux qu'avec toi. Si seulement j'avais encore une parole d'honneur. Tu n'en as plus? Non, je t'ai donné la dernière le soir de Noël quand je suis arrivé en retard pour le réveillon. Tu veux que je te dise comment ça se passe avec les autres? Exactement comme avec la bière brune, c'est pareil. Avant de la boire, je suis perplexe. Quand je la bois, je suis inquiet. Quand je l'ai bu, je suis malade. Mais tu la bois quand même. Mais je la bois parce que je suis un faible. Une bonne patte d'homme qui sait pas dire non, jolie fille. Alors elles en profitent naturellement, les gars, tu penses? Qui croyais-tu avoir épousé un moine bien tranquille avec un missel sous le bras et des gros doigts de pied qui font flip-flap dans les sandales? Eh ben non, ma chérie, non, je suis désolé. Tu as épousé Preston, tout bêtement. Tout bêtement, tu peux le dire. Eh ben oui, ça a quand même duré 15 ans, non? Avec deux enfants à la clé. Là-dessus, une espèce de croque-mort te passe sous le nez, tu te mets à trotter derrière lui comme un toutou. Je n'ai pas le croque-mort, c'est un homme sérieux, lui. Sinistre, oui. Amoureux, en tout cas. Oui, enfin, les lapins aussi sont amoureux. Tu veux que je te prédise ton avenir avec lui? Non! Il te fera crever d'ennui. Ce type est plus triste à lui tout seul qu'une rangée de prédicateurs. Il t'apprendra qu'à Holland Park, on met sa main devant sa bouche avant de rire. Et il te récitera les cours de la bourse tous les soirs, en ôtant ses bretelles. Il n'emporte pas de bretelles! Il emporte moralement des bretelles. Dans un an, tu seras aussi vivante et aussi fraîche qu'un trèfle à quatre feuilles dans un dictionnaire. C'est voilà. Tout. Non, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. Alors tu commenceras à te mordre les doigts, ma chérie, tes pauvres doigts meurtris par les bagues trop lourdes. Ah. Et tu penseras à ce brave type si rigolo avec lequel tu as passé autrefois de si bons moments et tu auras envie de le revoir. Seulement, ça ne sera pas la peine de te déranger parce que nous n'y serons pour personne, figure-toi. Nous? Oui, nous. Oui, nous. Je me vois mal errer tout seul dans cette grande bâtisse. Je compte prendre une gouvernante, effectivement. Tu as Madame Gray? Non, pas du tout. C'est Monsieur Gray qui a Madame Gray. J'ai pas l'intention de la discuter. Monsieur. Ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui puisse se pencher sur mon cas sans faire craquer ses articulations. Bref, quelqu'un de beaucoup plus jeune, quelqu'un dans le genre de Mademoiselle Forsythe, par exemple. Bah, écoute. Alors écoute, c'est extraordinaire. On vient d'avoir la même idée presque en même temps. Tu vas installer cette fille ici? Dès son retour d'Italie. Elle sera chaude et dorée comme une brioche sortant du four. Ça va être un délice. Elle s'assoira dans mes fauteuils, elle respirera mes fleurs, elle mangera dans mes assiettes, elle couchera dans mon lit. Parfaitement, et si ça l'amuse, elle mangera dans ton lit, elle s'assoira dans tes assiettes, elle couchera dans tes fleurs. Et alors? Et alors, ça te regarde? C'est toi qui as voulu ça? C'est ton œuvre, ça, ma chérie. Alors tu la boucles, tu veux? Et tu vas pleurer dans les gilets de Brunelot. Allez, fous-moi le camp, Lise Desblaires. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être Mimi, ce jeu, mais je serais curieux de savoir ce qui se passe. Je crois qu'elle vient de voir quelque chose qui lui a fait peur. Lise? Voyons, Lise, qu'avez-vous? Je ne pars plus de jeu. Et qu'est-ce que vous dites? Je ne pars plus de jeu. Elle vous dit je ne pars plus de jeu. Et pourquoi, elle est malade? Personnellement, je trouve qu'elle dirait plutôt mieux. Mais enfin, voyons, Lise, c'est une histoire de fou. Vous savez bien qu'on m'attend demain matin à Milan. Et nous avons réservé des chambres partout, à Sienne, à Florence, à Pise, à Venise même. Je vous dis que je ne pars plus, John. Mais enfin, pourquoi? Il y a 2 mois que nous avons décidé ce voyage. Il y a encore 10 minutes, vous étiez toujours d'accord. Expliquez-vous, Lise, je ne comprends pas. Je ne peux plus, je ne pourrais plus essayer de me comprendre. Mais oui. Un amour a besoin d'un peu de poésie pour vivre, d'un peu de rêve, d'un peu de mystère. C'est fini, tout a été détruit, saccagé, tout est mort. Oh, pardon, John, mais maintenant, vous n'êtes plus pour moi qu'un lapin qui porte des bretelles. Un lapin qui porte des bretelles. Non, non, non. Non, non, mais c'est pas méchant, elle adore les dessins animés. Oui, alors vous, foutez-moi la paix, hein. Dès l'instant où vous me demandez gentiment, il n'y a pas... Alors si j'ai bien compris, je vous parais brusquement ridicule, c'est ça, oh, n'est-ce non, pas? Non, non, pas ridicule. Risible, en tout cas comique, je ne pense pas qu'un lapin à bretelles puisse espérer mieux. Oui, non, alors... Non. Parfait, dans ces conditions, évidemment, je pense qu'il est inutile que vous m'accompagniez en Italie. Jamais je n'arriverai à monter un Paris handicap. Oh, je suis désolé, Lise. Moi aussi, John. Essayez de faire un beau voyage quand même. Non, je le vois d'ici, mon beau voyage. Tout seul, à perte de vue, rien que des chambres à deux lits, ça ne va pas être la franche gaieté, ça sûrement. Voilà, je suis prête. Il est arrivé quelque chose? C'est le système de mise à feu qui a l'air de foirer. Si vous êtes amateur de nouvelles sensationnelles, Mademoiselle Forsyth en voici une. Madame Preston refuse de partir avec moi pour l'Italie. Ah bon? Ah, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous tenez vraiment à ce que je vous dise ce que j'en pense? Mais je vous le demande. Eh bien, bravo, Madame Preston. Mademoiselle Forsyth, je vous serai reconnaissante de ne plus jamais m'adresser la parole. Et je vous signale que votre carrière de gouvernante est terminée. Bonsoir. Ma carrière de gouvernante? Oui, non, non, mais je vous expliquerai tout ça. Vous en faites pas. La gare est à 800 mètres, mais il faut y aller quand même. Venez, venez. Non, Hugues. Restez avec Madame Preston. Je suis sûre que Monsieur Brunelot acceptera de m'emmener jusque-là, si ça ne contrarie pas trop ses projets. Non, je n'ai plus de projet. Très bien, je vous emmène. Adieu, Lise. J'ai beaucoup de peine, vous vous en doutez, mais il se peut tout compte fait. Eh bien, il se peut que vous ayez choisi la meilleure solution. Disons que c'est la plus raisonnable. Je le crois. Bonne chance, John. Bonne chance, Lise. Bonne chance, John. Et merci pour le coup de main. Oui, quand vous aurez choisi votre établissement psychiatrique, Preston, faites-moi danser. Je vous enverrai des cartes postales. Vous êtes très aimable. Mademoiselle Forsyth, le lapin à bretelles vous attend dans sa voiture. Attention à la marche! Pourquoi est-ce qu'il a parlé de lapin à bretelles? Non, mais c'est rien, non, c'est rien. C'est sa maman qui l'appelait comme ça quand il était petit. Mais il n'a jamais été petit de toute façon. Au revoir, mademoiselle Forsyth. Bonne chance et bonnes vacances. Mais quelque chose me dit qu'elles seront même exceptionnelles. Attention à la marche. Voilà. Attention à l'autre aussi, il y en a plusieurs. Si tu comptes vraiment rester, tu pourrais peut-être ôter ton chapeau. J'ai l'impression que tu es venu me taper pour une œuvre de bienfaisance. Tu veux vraiment que je reste, Hugues? Tu crois que ce sera possible? Tu ne veux pas que nous divorcions? Je te jure que de toute manière, je ne rejoindrai jamais John Brunelow. Oh, mais ni John Brunelow, ni un autre. Tu ne rejoindras jamais personne. Je vais tellement m'occuper de toi maintenant que tu n'auras même plus le temps de te laver les dents, c'est-à-dire. Et tu pourras oublier tout ça? Mais pourquoi oublier? J'ai pas l'intention du tout d'oublier. Je veux au contraire que nous nous souvenions toujours de cet énorme gâchis, dont nous avons failli être responsables. Alors ça aura peut-être servi à quelque chose. Tu ne crois pas? Peut-être. Moi, je crois. Je le crois même tellement que je me demande si je ne vais pas instituer une sorte de fête nationale, rien que pour nous deux. Quelque chose comme la Saint-Brunelot, tu vois. Il viendrait, il apporterait du caviar, il louperait la marche. Oh, tu es merveilleux, Hugues. Ah, nous deux, ça ne sera jamais parfait. Enfin, je ne pense pas que ça puisse l'être un jour. Mais que veux-tu, ce sera nous deux. Et nous savons maintenant que rien ne peut remplacer ça, de toute façon. Rien, Hugues. Rien. Tu sais, ce n'est pas John que je regrette, mais c'est de lui avoir dit tout ça aussi brutalement. Il va être très malheureux. Il m'aime. Tu le crois? Je le sais. Oui. Il aura beaucoup de mal à m'oublier. Faut combien de temps pour aller d'ici à la gare? Une minute, deux minutes? Même pas. Pourquoi tu veux aller à la gare? Non, pas exactement. La poste? Oh, vous êtes là tout le temps. Vous pourriez me passer la gare, vous seriez gentille. Pourquoi téléphones-tu à la gare? Simple vérification. Preston, hein, le 309 à Stonewall. La gare? Monsieur Crosby? Ici Hugues Preston. Comment allez-vous, monsieur Crosby? Ça va? Vous êtes content, ça va? Les affaires, ça va? Les trains, ça va? Ah ben ça va, ça vient, c'est le principe des trains. Dites-moi, cher monsieur Crosby, je voulais vous poser une question parce que nous avons une amie qui vient de nous quitter pour prendre le train de Londres et je voudrais savoir si elle ne l'a pas ratée. Oh, une jeune femme ravissante, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir remarquée. Telle que je vous connais, c'est votre type. Avec, oui, un monsieur, oui. Dans une grosse Bentley, oui. Oui? Alors? Ah bon? Ah bon? Ah bah oui. Oui, ah bah oui. Oui, eh oui, ah bah oui. Ah bah que oui. Ça c'est la lutte éternelle du rail et de la route, hein, on n'y peut rien. Bon, eh bien, merci du renseignement. Je vous embrasse, monsieur Crosby. Et une poignée de main à madame. Au revoir, monsieur. Et lui qui disait qu'il n'y avait plus de projet. Eh oui, mais mademoiselle Forsyth, elle en avait. C'est l'avantage, c'est qu'elle en a toujours, cette chère petite. Eh bien, tu sais où je vais t'emmener pour notre 7e voyage de noces? Non, Hugues, où m'emmènes-tu? Ah, tu sais pas, ça, hein? Tu sais pas où je vais t'emmener? À Rome. À Rome? Tu sors-tu ces billets? Mais de la poche de Brunelow, ma chérie. Oh bah écoute, faut bien qu'il serve à quelque chose, cet homme. Thank you.